Bonsoir et bienvenue sur comicstories.fr pour les Comic Stories Awards 2015. Ça y est, après un mois de vote, on va enfin pouvoir vous révéler le résultat de ce mois de vote. Vous avez été, pour commencer par un petit chiffre, vous avez été quasiment, on est passé à un cheveu des 1500 votants, donc c'est quand même assez énorme, donc on remercie vraiment pour ça. Ce soir, je ne serai pas tout seul pour vous dévoiler le palmarès de ces awards, je serai comme d'habitude accompagné par une bonne partie de l'équipe, à commencer par Arnaud. Salut. Clément. Salut. Irish. Salut. Et Léo. Salut. Donc tout le monde est remonté hein, comme un coucou. Chacun attend plus ou moins un résultat par rapport à un autre. Évidemment, Léo est impatient de connaître le résultat de l'award, enfin du No Award qu'on vous révélera en 13e position. Est-ce que Gotham sera sacré cette ce soir, pire série de l'année. Là, il y a vraiment gros suspense. Là. Qui d'Arnaud de Léo finalement va l'emporter ce soir. C'est tendu, c'est ça. Ça va Arnaud, pas trop. Ça va Léo, je veux dire, pas trop peur. Je suis serein. Surtout que ta série favorite est quand même 7 fois nommée pour des awards, pour des no awards, puisque aucun award bien sûr. Aucun goût. On va commencer tranquillement avec le premier prix de la soirée, qui est évidemment un award. On ne pouvait pas commencer par du positif, il fallait qu'on trache, on est comme ça chez nous. Et on va commencer donc par le award du film à la fin duquel tu aimerais retourner dans le passé pour ne pas l'avoir vu. Dans cette catégorie, pour ce award, beaucoup de nommés. Et donc les nommés sont Fantastic Four. Bah c'est tout en fait. Gros suspense évidemment. Alors je vais devoir ouvrir l'enveloppe hein, comme dans toute bonne cérémonie pour vous dire que avec un pourcentage de voix de 100%. Oh là là. C'est assez rare. Majorité écrasante. Il faut le souligner. Même Poutine. Du pire film donc de l'année. Bien sûr. À Fantastic Four. C'est vérité. Fantastic Four qui ça a circulé un petit peu sur le net récemment, qui en toute sa carrière a fait moins que Star Wars en une nuit. C'est magnifique. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie de revenir sur ce film? Non. Ça ira. Je crois qu'on a déjà tout dit dans le podcast. C'est vrai. Donc écoutez éventuellement ce podcast débrief de Fantastic Four qui était assez épique quand même. Ah bon, on l'a démis. Dérambique, dans le sens négatif. Oui, bah bien sûr. Après. Par contre, je reste quand même sur ma fin. Hein. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup mieux à faire là-dessus. Faire pire que Perfect, je veux dire. Ouais, on a beau avoir été déçu, enfin moi personnellement, par beaucoup de films cette année, ouais, quand même, Fantastic Four, c'est le problème du montage de ce film, qui, avec surtout les images qu'on avait dans la bande-annonce, des scènes d'action qui n'apparaissent pas dans le film, ça. Une demi-heure aussi. D'un coup, les scénaristes se sont réveillés, ah tiens, faut peut-être conclure. Bref, on va pas refaire le débrief, on va pas refaire le bilan de ce film, de toute façon, clairement, il ne le mérite pas. Hein. Le No Ward, oui, il le mérite. Oui, complètement. Surtout, il a déjà assez bouffé, donc bon. Donc j'avais invité Josh Trank pour venir le récupérer, mais... Il est occupé avec la suite de sa carrière. Tu le donnes à Josh Trank ou à la Fox? Oh, les deux. Fantastic Four qui est nommé 9 fois pour des No Ward ce soir. Pour le moment, il a 100% de réussite. Il a remporté le premier. Bah, tu m'étonnes. On reviendra donc plus tard sur des No Ward. On va passer sur un prix, un vrai prix cette fois, qui concerne les comics VO. C'est toi, Clément, qui t'en charge. Et tu vas nous parler du meilleur éditeur VO en commençant par annoncer les nommés dans cette catégorie. Donc, les nommés sont DC Comics, Marvel, Image, donc Image Comics, Valiant et IDW. Voilà, donc 5 nommés dans cette catégorie. L'année dernière, c'est DC qui l'avait emporté. Je me suis replongé un petit peu dans les awards de l'année. C'est DC qui l'avait emporté assez largement. On va voir si c'est encore le cas ce soir, Clément, puisque le meilleur éditeur VO cette année est... Et c'est véritablement pour moi une surprise méritée. Ce n'est pas Marvel, ce n'est pas Valiant, ce n'est pas IDW, mais c'est Image Comics. Voilà, Image Comics, donc meilleur éditeur VO cette année. C'est assez mérité, tu le disais, évidemment. Ouais, mais c'est très surprenant quand même, hein. Ce qui est surprenant à la rigueur, et c'est une donnée que tu n'as pas, parce que j'ai gardé les chiffres pour le moment pour moi, et je vais les divulguer au fur et à mesure de la soirée. Ce qui est étonnant, c'est la proportion, puisqu'Image Comics récolte 49,6% des votes pour cet award. Il a écrasé tout simplement la concurrence. Pour retrouver le deuxième, c'est DC avec 15,87%. Oh, mais c'est pas... Je pensais que ça allait être beaucoup plus serré. Pour le podium, Marvel est un petit peu au-dessous de 13, Valiant un petit peu en dessous de 13, et puis IDW s'approche à peine des 9. C'est un truc de fou, ça. Donc Image, voilà, rafle vraiment très très haut la main. Là, ça montre juste que... Voilà. Ça montre juste que DC Marvel, il faut qu'ils se renouvellent, et que vraiment là où sont les idées actuellement, c'est chez les indépendants dans Image. Là où sont les idées, c'est vrai, mais là où sont aussi les politiques peut-être en termes de prix, tout simplement, qui sont meilleurs, parce que quand on a un TP à 10 euros pour les volumes 1, et même certaines séries qui continuent par la suite leur deuxième tome, des TP à 10 dollars plutôt, voilà, quand il faut mettre 18 dollars chez Marvel DC pour avoir un TP, ouais, ça freine tout de suite pour avoir accès à une série. Les singles sont pour la plupart à 3$ ou 3,50$, là où il n'y a pas de pub. Il y a 4 ou 5$ et il n'y a pas de pub. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que... Non, c'est plutôt logique. Déjà, ils ont une ligne quand même éditoriale hyper cohérente, ou en tout cas, ça se voit bien qu'ils essaient vraiment d'innover, de faire tout comme lui. Puis c'est pas un hasard si Image... si t'as des Lemire, si t'as des Scotty Young, si t'as des Snyder, chez Image, quoi. C'est qu'ils regardent des choses et Marvel paye leur stratégie, à la fois leur stratégie très très agressive sur les prix, mais à la fois leur manque de stratégie en termes de cohérence éditoriale. Et puis on n'est pas, encore une fois, avec du double shipping, voire même du triple shipping sur certains mois, où voilà, on se retrouve avec des séries qui sortent des fois 3 fois dans le mois chez Marvel, et des titres à 4, des fois même plus, 5$. Ouais. Allez, on va continuer avec le prochain prix, c'est toi Arnaud qui va nous le présenter, et il s'agit de la meilleure réédition en librairie, donc en VF. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des nommés? Oui, alors déjà beaucoup de Panini, avec Avengers, la croisade des enfants, le Daredevil de Frank Miller, le Captain America de Ed Brubaker et la saga Annihilation. Et ensuite de Urban, le Killing Joke édition spéciale 75 ans de Batman et Sandman. Voilà. Et sans surprise, c'est pas une très grande surprise, le gagnant. En y réfléchissant bien, le résultat a sans doute été aidé par une toute petite série qui a démarré cette année. Mm-hmm. Et donc le gagnant, c'est le Daredevil de Frank Miller. Voilà. Daredevil, donc la réédition Daredevil de Frank Miller dans la gamme Marvel Icons, qui a été sortie en 3 tomes dans l'année. Ça a été assez expéditif, et voilà, du coup, tout est dispo. Épuisé depuis très longtemps, voilà. Bouquin plutôt de qualité, donc voilà. Récompensé avec 29,16% des votes. Le deuxième, c'est Killing Joke, édition spéciale 75 ans chez Urban, qui arrive à 24,6%. Donc c'était assez proche, à 5 points d'écart. Est-ce que toi, par exemple, Clément, t'aurais choisi autre chose ou... Non, parce que j'ai pas racheté de réédition en librairie, donc honnêtement, vu la réputation qu'a le Daredevil de Frank Miller, ça ne surprend pas qu'il soit en tête. Au début, qu'il était vraiment attendu, etc. Et puis pareil pour Killing Joke, ça reste un comics aussi qui est culte chez DC. Donc c'est pas surprenant dans le sens qu'en fait on a deux comics cultes qui sont en tête. Ouais. Enfin, c'est pas surprenant. Bon voilà, pour cette réédition en librairie, en tout cas, ce qu'on peut souligner d'après les nommés, c'est que effectivement, tu le disais Arnaud, Panini a une politique. Alors bizarrement pour les inédits, il y a encore du boulot à faire, mais pour tout ce qui est réédition, ouais, le boulot est bien fait. La gamme Icon, c'est très bien. Même la gamme Select qui réédite les Deluxe en format souple est très bien aussi. Voilà, maintenant il y a eu du boulot de fait aussi sur les inédits, mais si le chemin était le même que pour les rééditions. Et peut-être pas, ils font un bon boulot sur les rééditions, mais parfois il faut quand même attendre très longtemps avant de revoir une série. Allez, on va passer au quatrième prix de la soirée. Quatrième prix de la soirée qui va être attribué par Irish. Et il s'agit d'un prix concernant les écrans, meilleurs personnages féminins au cinéma. Le cinéma, donc. Les nommés. dénommés sont Wanda Maximoff, Elizabeth Olsen pour son rôle dans Avengers Age of Ultron, Gazelle, Sophia Boutella pour son rôle dans Kingsman, Hope Van Dyne, Evangeline Lilly pour son rôle dans Ant-Man, Black Widow, Scarlett Johansson pour son rôle dans Avengers Age of Ultron, et enfin Maria Hill, jouée par Cobie Smulders pour son rôle dans Avengers Age of Ultron. Alors avant de donner la gagnante pour cette catégorie, peut-être une première chose avant, le choix était difficile. Enfin, pour moi en tout cas, ne pas pour trouver la meilleure, mais déjà pour trouver un bon personnage féminin. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire là dans l'eau. Enfin, je connais pas le personnage de Gazelle, mais Hope Van Dyne, merci, Black Widow. Non, ouais, c'est pas. Maria Hill, je sais pas ce qu'elle fout là. Elle a fait sa petite apparition et voilà. Elle était dans Agents of Shield, vite fait. Ouais, ça serait quand même drôle que Maria Hill soit remporte le truc parce que là. Moi, je dirais Gazelle ou Wanda Maximoff. Wanda, elle a quand même fait une grande entrée dans Avengers 2. Ouais, pareil. On va encore la voir souvent. Elle va sans doute prendre de plus en plus d'ampleur. Ouais. C'est un personnage apprécié des fans de comics, donc s'il y a eu beaucoup de fans de comics qui ont voté, ça peut jouer. Alors, on va préciser, effectivement, là, vous faites vos petits pronostics et tout ça. Je précise que seul moi et la personne qui annonce le prix connaît le résultat. Hein, voilà, on est deux à chaque fois par prix, ou sauf pour les prix que je vais annoncer, où je serai le seul à connaître le résultat à l'avance. Donc voilà, ça, ce qui permet un peu plus de spontanéité de tout le monde. Et du coup, voilà, les pronostics sont vraiment des pronostics, comment dire, à chaud. Naïf entre guillemets, dans le sens où voilà, vous n'avez pas la donnée. Ils sont bien naïfs. Hein. La donnée que Irish a, et Irish, le meilleur personnage féminin au cinéma cette année est Wanda Maximoff, ouais. Elizabeth Olsen pour son rôle dans Avengers Age of Ultron. Voilà, Wanda. Voilà. Un bon ajout dans l'univers du MCU. Bah oui, on est très content savoir qu'on la retrouve d'ici mai. J'avais peur de l'actrice, mais finalement, elle m'a convaincu. C'est plutôt bien, elle est plutôt très bonne. Elle m'a convaincu dans le film, mais avant. Donc, quelqu'un qui, voilà, qui a en elle et dans le développement, on sent le réalisateur derrière, quoi. Oui, ouais, l'importance, même le côté Avenger, le côté Joss Whedon de la chose. Je suis un peu déçu pour Oscar Pistorius aussi. Il méritait aussi. Oscar Pistorius, donc Gazelle, hein, qui était un excellent personnage dans Kingsman, mais pas assez mis en avant, peut-être, et peut-être trop monocorde. C'est un personnage secondaire qui a très peu de temps d'antenne déjà. Et en plus, ses scènes sont assez répétitives. Voilà. C'est pas un personnage avec une grande profondeur. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire qu'elle souffra un peu de la présence de Samuel Jackson à ses côtés. Ouais. Oui, c'est sûr. Bah, et puis du reste du casting aussi. Hein. Voilà, on aura l'occasion plus tard de reparler sans doute de Kingsman, puisqu'il est nommé plusieurs fois dans les catégories cinéma. Mais le reste du casting, voilà, est peut-être un cran au-dessus d'elle, et c'est peut-être ça qui fait que... Alors, pour les chiffres, quand même, Wanda Maximoff, 42,59%. Ah ouais. Donc, elle a vraiment dominé de la tête et des épaules, hein. Et c'est bien Gazelle, hein, qui arrive deuxième avec 19, presque 19,5%. Voilà. Et puis, derrière, on a Black Widow. Ouais, je pense que c'était pas si... Ce qu'on avait dit n'était pas si naïf, Irish. Ouais. Oui, non. Non, mais voilà, c'était pour. Donc derrière, on a Black Widow, et puis derrière, on a Maria Hill. Donc c'est-à-dire que Hope Van Dyne est quand même au centre d'un film, quasiment. Enfin, voilà, elle a un rôle important dans Ant-Man. Voilà, elle fait 7%. En même temps, c'est dans Ant-Man. Au centre, voilà, elle n'est pas vraiment au centre. Hein. Pas de chance. C'est dans Ant-Man. Dans un film pas terrible, voilà. C'est dans un rôle pas très important. Enfin, franchement. Pas très bien écrit, pas très bien joué. Enfin, voilà, il n'y avait rien. Maria Hill a 3 minutes d'antenne dans Avengers, mais c'est 3 minutes plus intéressantes que celle de Hope, malheureusement. Mais si elle a le même score pour le prochain Ant-Man, là, oui, il y aura un problème. Bah, surtout que son nom est dans le titre. Oui, évidemment, c'est exactement pour ça que je dis ça. Bah, ouais, c'est, voilà, si elle fait la même prestation, là, il y aura, oui, un problème. Avant de parler du score ou tout, dans d'éventuels votes l'année prochaine, enfin même dans plusieurs années, parce qu'on n'est pas là encore, Ant-Man and the Wasp, mais voilà, il va falloir sérieusement repenser l'écriture du personnage, et puis il va peut-être falloir sérieusement... Il n'y a pas que ça, hein, qu'il va falloir repenser en matière d'écriture. Oui, oui. Ouais, parce qu'on ne parle pas de Black Widow, Mathieu, non, Black Widow qui arrive troisième. Alors peut-être la sympathie Scarlett Johansson. Oui, je pense qu'elle y est pour beaucoup. Une actrice plutôt sympathique, voilà, qui a... sur toutes les formes. Mais Je suis sûr. C'était sûr, voilà. Donc on en est au quatrième prix ce soir et ça y est. Voilà, la personnalité de Clément est révélée au monde. Donc ouais, Scarlett Johansson, voilà. 16,7% quasiment. Donc pas très loin de Gazelle. Mais bon, clairement, dans le lot des nommés, enfin voilà, moi j'en aurais même pas mis deux, quoi. Non, moi non plus. Parce que voilà, et bah, il fallait une catégorie de personnage féminin au cinéma. Et le drame, c'est qu'on n'arrive pas à trouver un bon personnage au cinéma pour le moment féminin. Et voilà. J'espère que les gens de Marvel Studios et aussi de Warner, puisque du coup DC arrive dans le jeu en 2016, et là pour coup il y aura une vraie compétition dans les awards ciné l'année prochaine. J'espère que ces gens-là vont avoir vu. Je ne suis qu'on n'est pas à l'abri que Wonder Woman se fasse écraser par Batman et Superman. Là, c'est pas son film à la rigueur, mais voilà. Ouais. Mais si au moins elle était déjà bien écrite, bien développée, crédible et plutôt bien interprétée, il y aura rien. Ça serait déjà une bien développée, sans doute pas, mais que j'ai une belle introduction. Et bien, comme dit Clément, il y aura Harley Quinn. Aussi. Ah, la concurrence, oui, effectivement. Ouais, il va avoir un bon nom de la concurrence. Donc voilà. Et on a vu que c'est possible avec Jessica Jones à la sur une série. Ouais. Ah ouais. Voilà, on l'a vu dans Star Wars récemment, on peut mettre un bon personnage féminin, donc bah voilà, faut juste avoir envie, en fait, de le faire, je pense. C'est ça. Allez, on va passer à quelque chose d'attendu, maintenant. Oui. Il y a de la compétition. Qui n'est pas un award, qui est un no-ward, qui est le no-ward de l'actrice qui passait par là, qui est entrée parce qu'elle a vu de la lumière. Alors, il y en a que 5, mais alors... Mais alors, on a vraiment le gratin du gratin. Ah, oui. Irish, quels sont les nommés dans cette catégorie? Donc, les nommés sont Erin Richards, qui joue le rôle de Barbara Gordon dans la série Gotham, qui n'a que Léo comme spectateur. Ensuite, Cameron Bicondova, qui joue le rôle de Selina Kyle dans Gotham encore. Katie Cassidy, qui joue le rôle de Laurel dans la série Arrow. Candice Payton, qui joue le rôle de Iris dans The Flash, et Kate Mara, qui joue le rôle de Shootstorm dans Les 4 Fantastiques, le Fantastic Four. Alors, on va s'arrêter 2 minutes pour contempler cette belle liste. Très dur de choisir. Parce que là, on a du très lourd encore. Hein. Ah ouais, ça. Ce qui m'a un petit peu frappé, c'est quand tu disais à chaque fois qui joue le rôle d'eux, je suis pas sûr qu'elle joue grand chose. Voilà, surtout la gagnante. Très serré avant de donner les résultats. Très serré cette catégorie, puisqu'il y a moins de 2 points d'écart entre la première et la deuxième. Et puis la troisième arrive moins de 4 points derrière la première. Donc voilà. Elles se sont toutes un peu tirées la couverture. Sauf une, qui était peut-être l'erreur de casting dans l'histoire, qui récolte 4 points. 4%. Peut-être qu'elle arrive à convaincre un peu les gens. Je me demande bien qui aussi. Mais vous le saurez. Vous le saurez qui. Mais avant ça, Irish, l'actrice de film ou série qui passait par là et qui est entrée parce qu'elle avait vu de la lumière est Erin Richards, Barbara Gordon dans Gotham. Voilà, donc Léo a dû s'absenter quelques minutes. On va pas cacher ça, c'est pour ça que vous l'entendez pas. Hein. Donc, il allait pleurer, c'est ça. il allait pleurer par anticipation, effectivement. Donc voilà, premier No Ward de la soirée pour Gotham. Pour Gotham, voilà. C'est pas le dernier, je pense. Peut-être pas le dernier, on verra où on en est. Hein. On guette particulièrement le 13e prix de la soirée, la pire série de l'année. Et j'avoue que je verse quand même ma petite larme pour Katie Cassidy qui joue Laurel dans Arrow, parce que pour moi elle avait toutes les qualités et elle a travaillé dur pour ça et voilà. Toutes les qualités pour avoir le no-ward oui. Et elle n'arrive en plus que 3ème. Et la deuxième, c'est évidemment Iris, c'est Candice Patton qui elle aussi s'est bien battue. Et la toute dernière, c'est Kate Mara. Non, la dernière, c'est Cameron Bicondova. Ah ouais, ouais, mais tout le monde s'en fout de Céline, en fait. Ouais, mais c'est une gamine, en plus. J'ai pas compris. Donc peut-être qu'on l'excuse, effectivement. Est-ce que les enfants, ce soir, vont être épargnés par les Noirs? On verra ça plus tard, puisqu'on a également David Mazouz, hein, qui est nommé 2 fois. Une fois pour le personnage qu'on regrette, dont on regrette la création, et une fois pour le pire acteur. Donc on verra si les jeunes acteurs sont épargnés par... voilà. Pour l'argument de l'âge, on va dire, ou pas. Mais voilà, en tout cas, Gotham commence bien sa moisson ce soir. Un award pour Gotham, un award pour Fantastic Four. Il y a une belle compétition entre les deux produits, hein, Gotham, Fantastic Four. Bon, bah, Erin Richards, voilà quoi. c'est mérité. Félicitations à elle. Ouais, c'était mérité. Là, pour le coup, oui, voilà, il n'y a pas de contestation possible. Même si Candice Patton a quand même fait son meilleur cette année. Ouais. Ouais. Mais bon, moi, je regarde plus Gotham, donc. Ah mais quand même, Candice Patton, elle était irritante. Mais Barbara dans Gotham, c'est juste, c'est hallucinant. Voir ses yeux s'écarquiller quand elle essaye de jouer la folie, c'est magnifique. Voilà. Vous admirerez, hein, si vous êtes sur Twitter ou pas, vous admirez la magnifique photo qui a été sélectionnée pour illustrer Erin Richards, qui montre bien justement ses yeux écarquillés. Comme, sans concertation, voilà, une belle photo. Oh putain, ah ouais, quand même. Donc, Erin Richards, 26,91% des voix. Ce que j'ai oublié de préciser concernant le système de vote. Donc, certes, on a eu presque 1500 personnes voilà, qui ont voté pour ces awards et ces no awards. Pour les votes, jusqu'à l'année dernière, on fonctionnait de la manière suivante. On faisait un calcul qui voulait que les votes de l'équipe Comic Stories comptait à 50% du total et les votes des lecteurs et des auditeurs comptaient également pour 50%. Après réflexion, ça nous donnait un peu trop de poids dans le résultat, donc du coup on est passé à un tiers, deux tiers, donc nos votes ne comptent plus que par rapport à l'année dernière, plus que pour un tiers, et les votes des gens qui ont voté sur le site, donc pour deux tiers. Et c'est vrai que ça a changé la donne pour beaucoup de prix. Si on avait compté pour 50% comme l'année dernière, beaucoup de prix ne seraient pas ceux-là ce soir, notamment Erin Richards. Bon. Candice Patton serait arrivé très très loin devant. Voilà, c'est vrai que un peu plus de poids dans le vote des lecteurs et des auditeurs, et là, c'est très bien. Et pour le Noward the Duck, qui est donc le Noward des Nowards, et l'Award the Duck, qui est l'Award des Awards, j'ai simplement compté double les votes des personnes de l'équipe. Donc elles sont noyées, complètement noyées cette fois dans la masse, et du coup on a un Noward the Duck et un Noward the Duck qui sont complètement représentatifs des votes que vous avez fait sur le site. Voilà. Petite précision qui était quand même utile, je pense. Bon, on va se remettre doucement de ce magnifique prix, et puis on va enchaîner sur un vrai prix cette fois, un vrai award, qui est l'award de la meilleure nouveauté comics de l'année, donc en VO, hein, puisque la plupart de ces séries ne sont pas encore arrivées chez nous en France. Et c'est toi, Clément, qui nous annonce les nommés pour donc la meilleure nouveauté de l'année. Vraiment du très très du lourd hein, quand même. Je pense que c'est l'une des catégories certainement les plus incertaines. Oui. Vraiment, ouais, plus incertaines, honnêtement, c'est très difficile, c'est très difficile à faire comme choix. Donc les nommés sont I Hate Fairyland de Scott Young, The Size of the de Azzarello, non. Libermero, s'il te plaît. Libermero, j'avais un doute. We Are Robin, donc là, de Azzarello, je crois. De Libermero. J'ai du mal avec Libermero. Non, j'ai du mal ce soir avec Bermero. Donc, de Bermero, chez DC Comics. Bermero, c'est Dario pour cette série. Ouais, c'est ça. Archie, je ne sais pas du tout qui est l'auteur. Mark Waid et Fiona Staples. D'accord, ah oui, d'accord. Doctor Strange. Me demande pas. Ouais. Et Robin, Son of Batman, donc de Thomas. Peter Thomas. Patrick Gleason. Patrick Gleason. Non, Patrick Gleason, bah oui. Donc au dessin et au scénario. Qui a repris la suite de Peter Thomas au scénario, justement, qui s'occupait de la série Batman et Robin. Alors, très serré, tu crois pas si bien dire. Hein, c'est une des catégories les plus serrées ce soir. Avant de donner le résultat. 22,71% pour la série gagnante et 22,34% pour la deuxième. Donc on est vraiment dans du... Bah là, il n'y a même pas 0,4 points d'écart entre le gagnant et sa dauphine, son dauphin, je ne sais pas comment dire. Donc voilà, c'était vraiment... Et en termes de voix brute, ça fait combien? Eh bien, ça fait une voix d'auditeur. Non. Sérieux? Bah oui. Donc j'ai plus le nombre de voix exactement, mais voilà, quand j'avais fait, je n'ai gardé que les pourcentages, mais il y avait une voix d'auditeur d'écart. Oh la vache. Donc on est voilà, quand on vous disait sur Twitter que les votes étaient très serrés, c'est vrai, c'était très serré. On en a la preuve avec cette catégorie, on aura la preuve encore plus tard avec une autre catégorie qui, je crois, réussit l'exploit d'être encore plus serré puisqu'il y a égalité. Voilà. Allez, Clément, la meilleure nouveauté comics cette année est Archie. Archie. Oula, la surprise. Énorme surprise. Par Mark Waid et Fiona Staples pour les trois premiers numéros, et Annie Wu qui a remplacé Fiona Staples au dessin à partir du numéro 4. Archie qui arrive, qui n'arrive pas en tête chez nous, hein, dans l'équipe, puisque je dois être on doit être un ou deux à avoir voté pour Archie, mais qui arrive loin devant, voilà, dans les votes des lecteurs et des auditeurs du site, qui ont poussé en fait la série tout simplement en tête, quoi, et d'une courte tête, puisque au final ça s'est joué sur une voix. I Hate Fairyland, qui arrive deuxième, a été longtemps devant, et puis bah voilà, le dernier jour, hop, Archie est passé par là et a complètement grillé la politesse. Donc ouais, c'est la première surprise de la soirée. Franchement, j'y croyais pas trop. Bah, honnêtement, moi je me demandais bien si ça allait être, parce que c'est vrai que il y avait quand même du très beau, quoi. Mais voilà, c'est une excellente série. Enfin voilà, moi je suis fan d'Archie, je n'en manque pas un épisode, et aussi de Jughead par Chip Darsky. Voilà, on a une vraie réinvention du personnage, quelque chose de moderne, Mark Waid qui maîtrise les personnages, enfin comme Mark Waid le fait, quoi, dans presque tout ce qu'il fait. Enfin voilà, il suffit de suivre un peu le monsieur, et voilà. Fiona Staples, niveau graphique, voilà, c'était une claque par rapport à l'ancien Archie. Et voilà, c'est mérité. Ah ben Archie, c'est une des plus vieilles séries comics. Voilà, ça existe depuis bon nombre de dizaines d'années. D'accord. Voilà, c'est en plus Archie est un éditeur particulier parce que c'est aux États-Unis peut-être le seul, je suis pas sûr, hein, mais peut-être le seul à être vendu en dehors des marchés comics shop classiques, puisqu'il est vendu. D'accord. Il est vendu notamment dans les Toys R Us. Ah, et les choses comme ça. Donc voilà, il y a un public pour ça. C'est des comics en général pas chers, voilà, qui marchent bien auprès des enfants. Et puis voilà, là on a vraiment quelque chose. Voilà, on a une série sur CW qui arrive, qui s'appellera Riverdale. Si ça ressemble à ce qu'on lit dans les pages d'Archie par Mark Waid, mais je vais prendre un pied de malade à regarder ça, parce que c'est du vrai drama comme je les aime, avec notamment le lipstick incident. Voilà. Bref, je ne peux que vous conseiller de suivre Archie, et j'espère qu'un éditeur français vraiment mettra la main au portefeuille pour acquérir la licence, parce que Archie le mérite, tout simplement. I Hate Fairyland le mérite aussi, hein, Clément, si tu veux en dire deux mots, parce que je sais que toi tu défends cette série. Après j'ai du retard, donc j'ai lu que le premier numéro, j'ai pas lu la suite. Mais après voilà, je crois que je l'avais connu dans les comics, dans les podcasts il y a plusieurs semaines. C'est en tout cas ce premier numéro, et je pense que visiblement ça a l'air plutôt d'être bon sur la suite. Enfin moi quand j'ai lu le premier numéro, je me suis fendu la gueule, quoi. Et puis même le reste, hein, Robin, Son of Batman et We Are Robin, c'est vraiment vraiment des très bons titres parmi le DCU, notamment We Are Robin, qui est vraiment très surprenant. Et moi j'ai beaucoup aimé les premiers numéros. Il y a vraiment une histoire, et c'est vraiment intéressant de Robin en herbe. Et puis Robin, Son of Batman, c'est clairement la continuité de ce qui a été Thomas C. Tu vois que Wilson travaille sur ce personnage depuis maintenant plusieurs années, et c'est dans la continuité de Batman et Robin, quoi. Je prends toujours les en lire, puis je trouve que ça reste supérieur à Batman et We Are Robin encore. Alors juste comme Léo est revenu, si je ne m'abuse pas. Je suis là. Léo, on va juste te demander une petite réaction quand même, puisque Erin Richards a remporté le Noward de la pire actrice de l'année pour sa magnifique interprétation de Barbara dans Gotham. Heureux. Ah, que c'est étonnant. Excusez-moi d'avoir été absent quelques minutes, mais quelque part, tout le monde méritait ce prix, hein, on va pas se mentir. Mais... Donc on a quand même un événement en direct ce soir. Léo admet quand même que les actrices de Gotham. Voilà. Non mais toutes les actrices méritaient ce prix, mais il faut bien le reconnaître, de toute façon Barbara c'est clairement le point faible de Gotham. Donc c'est pas le prix pour lequel je me choquerais le plus. D'accord. D'ailleurs, le 31 décembre, avant d'aller faire votre petit réveillon du nouvel an, Léo et moi, nous vous invitons à nous suivre pour le bilan de cette première moitié de saison 2 de Gotham. Ça sera notre petit cadeau pour finir l'année 2015, un petit cadeau empoisonné ou pas, ça sera à vous de juger. Mais en tout cas, c'est pour le 31 décembre. Et Léo, puisque tu es revenu, tu vas pouvoir t'occuper de l'award suivant, qui est celui du meilleur éditeur VF, donc du meilleur éditeur de comics en France. Alors, les nommés pour le prix donc, du meilleur éditeur VF sont Delcourt, d'abord, puis Urban Comics, Glénat Comics et Panini. Et alors, le vainqueur... le vainqueur est donc Urban Comics. Voilà, Urban Comics, qui avait déjà gagné l'année dernière, l'année d'avant. Voilà. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce qu'on va pas renommer cette award? Parce que finalement, tous les ans, c'est les mêmes. C'est tout le temps Urban. Tous les ans, je me dis, allez, cette année, ça va être plus serré que l'année dernière. Et en fait, pas du tout. Et puis, tous les ans, Urban fait plus de 40% de voix. Bon, 43,85 cette année. Et le deuxième? Le deuxième, c'est Delcourt. L'année dernière, c'était aussi Delcourt, le deuxième. Delcourt, éditeur de Walking Dead, voilà, le comics le plus vendu en France et une des bandes dessinées les plus vendues tout court hein, en France. Donc, c'est logique qu'ils atteignent aussi une place comme ça. 21,71% pour Delcourt, donc déjà plus de 20 points derrière Urban. Il y a quand même un vrai gouffre entre le premier et les suivants. L'année dernière, Panini est arrivé troisième. Et cette année, c'est Glénat qui lui vole la troisième place. Donc, Glénat Comics, 18%, tout petit cheveu de plus que 18%. Et puis Panini, 16,5% à peu près, voilà, pour arrondir. Donc, Glénat, qui a fait son retour en force, hein, qui a inondé les étalages cette année avec de beaux formats, un peu cher, faut quand même le reconnaître. Beaux bouquins, souvent garnis de plein de bonus. Alors, la catégorie suivante, qui est quoi? Qui est le meilleur épisode de série télé, c'est ça? Ouais. Meilleur épisode de série télé, donc de l'année. Catégorie écran, donc, pour ce prix. Et je vais te laisser, Arnaud, nous annoncer quels sont les épisodes nommés cette année. Beaucoup de Marvel. Déjà 3 nominations pour Agents of S.H.I.E.L.D. Alors, l'épisode Melinda de la saison 2, sur les flashbacks sur May. Le double final SOS. Et l'épisode 5 de la saison 3, 4722 heures, donc l'épisode flashback sur la planète. Mmh. Ensuite, l'épisode 10 de Daredevil, Nelson v. Murdoch. L'épisode 9, le brillant épisode 9 de Jessica Jones, Sin Bean. Oh, oui. Le final de Flash, Fast Enough. Et le final de la saison 5 de The Walking Dead, Conqueror. Il y a un intrus dans la liste. Walking Dead. Ouais. Un de ces épisodes a fait moins de 3% des votes. Donc, Agents of S.H.I.E.L.D. en force, 3 épisodes nommés. Beaucoup de Marvel, tu l'as dit, Arnaud. Globalement, ces épisodes-là, avant d'avoir le résultat, ces épisodes reflètent-ils vraiment le haut du panier de la saison? Je dirais oui aussi. Je dirais oui. Après, pour Agents of S.H.I.E.L.D., moi, j'aurais pu mettre moi, je crois que j'avais dit aussi très bien le mini-season. La saison 2. Ouais, de la saison 2, enfin la moitié de saison. Qui était diffusée en 2014. Ah oui, bah voilà. C'est pour ça en fait qu'il n'est pas dans les. Voilà. Je suis déçu, il y a l'absence de Arrow. Je m'attendais vraiment à ce qu'il soit. Bah, et le final, ouais. Constantine, bordel. Et toute la moitié de saison de Gotham aussi. Hein. Puis il n'y a pas eu la saison 1 de Powers. Il y a aussi eu plein de merveilleuses shows cette année, effectivement. allez, Arnaud, on va quand même le dévoiler. Le meilleur épisode de série télé cette année est... C'est un épisode d'Agents of S.H.I.E.L.D. Ah. Mais lequel? Celui de la saison 3. Et oui, c'est l'épisode de la saison 3, 4722 Hours. Donc l'épisode sur Gemma, sur le parcours de Gemma sur la planète alien. Voilà, l'épisode bleu, comme j'aime bien l'appeler. C'est ça. Ouais. Mais très bien épisode, épisode hein, comme cette série. C'était un joli épisode. Ouais. Ouais. Ah, j'ai un pincement au cœur pour David et Jessica, mais bon, si c'est pour cet épisode, alors je veux bien. C'était très dur, quoi, parce que entre Daredevil, Jessica Jones et Agents of S.H.I.E.L.D., enfin, c'est quand même du haut de la catégorie, quoi. Et c'est d'ailleurs drôle, parce que... Aussi, non, mais The Walking Dead, ça pue. Donc c'est bien The Walking Dead hein, qui finit avec 2,9. Ouais. Ça doit être Elodie qui a voté 3 fois. Je me rappelle une époque où Agents of S.H.I.E.L.D. c'était, je pense, ça aurait été certainement été dans les pires épisodes. Ah, bah, aurait été en compétition pour les No Ward. C'est ça, ça aurait été en compétition pour les No Ward. Et que ça soit trois épisodes qui soient dans les meilleurs épisodes de série télé, bah, c'est hyper révélateur de la qualité de Angel's Dash depuis maintenant plus d'un an et demi. Ouais. Clairement, clairement révélateur. Je ne sais pas qui sera la meilleure série, mais pour moi, c'était un bon coup de cœur. Un No Ward cette fois-ci. Allez, on va redevenir méchant parce que ça. Faut varier les plaisirs. Hein, voilà, il faut savoir varier les plaisirs. Et en plus là, on est à 5 prix du fameux No Ward de la série télé que tout le monde attend. Mais en attendant, ça sera le No Ward de l'Event to Crossover Comics que tu ne pourras même pas revendre sur eBay. Et c'est toi, Arnaud, qui va nous annoncer les nommés prestigieux de cette série. Ah, ça fait rêver. Ah, ouais. Alors, bien sûr, Convergence de DC Comics, le bouche-trou de DC Comics, comme on l'appelle. Secret Wars, l'événement raté qui a duré trop longtemps. Mais et il n'est pas fini encore. Il n'est même pas fini alors que le nouvel univers a déjà démarré. Non, mais c'est ça qui est magnifique. Et Black Vortex, que je ne connais même pas. Moi non plus. Donc Black Vortex, qui était un crossover entre les Gardiens de la Galaxie et, si je me rappelle bien, les X-Men. Ah, ça fait en fin d'hiver 2015. Ah. Encore, ils en font souvent des crossovers entre les deux. Bah, c'était le procès de Jean Grey. Bendis était scénariste sur les deux séries. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, il s'amusait avec ses jouets, j'ai envie de dire. Bah, il aurait un peu pu s'abstenir parce que franchement, Black Vortex, c'est... Voilà. Il y a des choses qui sont révélatrices concernant Convergence et Black Vortex. Convergence arrive dans un mois et demi là, chez Urban. Il n'en pipe pas un mot. Il n'y a rien, il n'y a aucune communication sur Convergence qui est faite jusque-là. Black Vortex. Alors que c'était un gros événement, enfin c'était censé être un gros événement. C'est ça, Black Vortex, qui était censé être un crossover aussi assez important, a été réparti dans 7 magazines par Panini. Ils ont pas fait l'effort de rassembler ça dans des hors-séries, dans des trucs pour le mettre un peu en avant, ils ont complètement noyé ça dans les magazines. C'est assez révélateur aussi. Secret Wars, c'est un cas à part, c'est l'événement qui est censé redéfinir l'univers Marvel, qui va être publié en grande pompe par Panini à partir de janvier. Arnaud, l'event au crossover comics qu'on pourra même pas revendre sur eBay. Et... On aurait pu aussi l'appeler le No Ward de l'event du crossover dont même l'éditeur n'ose pas parler puisque c'est Convergence. Voilà, ouais. Convergence. Je vous parlais du score de Secret Wars. Hein. Secret Wars, 6,9% des votes. Ah ouais ? C'est surtout un problème éditorial. Ah bah oui, complètement. Une publication à retard, etc. qui fait qu'on bouffe complètement l'intérêt pour l'event. Qui n'est pas si dégueulasse que ça quand on le lit, mais le problème c'est qu'il faut pouvoir le lire dans des délais raisonnables et que bah, c'est impossible. C'est même pas terminé en VO, alors ça aurait dû être fini depuis pas terminé. Déjà. Le dernier numéro va sortir là bientôt au mois de janvier, je crois. Oh, ça devait terminer en novembre, non ? Ça devait terminer en septembre ou octobre. Enfin, c'était mais ils avaient rajouté 2 épisodes. Oui, c'était un truc de l'été, donc a priori septembre ou octobre c'était terminé parce que le nouvel univers était lancé en octobre, donc voilà. C'est une catastrophe éditoriale, ça marche très bien en termes de vente, c'est plutôt sympa à suivre, il y a quelques tie-ins qui sont plutôt sympas. Panini, qui va tout publier en 5 mois, va rendre le truc beaucoup plus intéressant à suivre. Urban, tu veux dire ? Non, Panini... Secret Wars. Ah, je croyais que tu parlais de Convergence. Ah non, non, bah, Convergence, voilà. Convergence, est-ce que ça mérite vraiment qu'on en parle ? Non, d'accord. Non, voilà, même Urban n'en parle pas, donc... voilà. 64% quasiment des voix pour Convergence. Oh la vache. Oh la vache. Voilà. 29,2 quasiment pour Black Vortex et puis donc Secret Wars en dessous des 7% de voix. Voilà. Pour la répartition dans ce trio pour ce No Ward, ben voilà, Convergence n'est pas arrivé en France. A priori, amis lecteurs VF, vous savez ce que vous aurez à ne pas acheter cette année. Et Scotty Young qui remercie les votants pour l'avoir placé deuxième en tant que meilleur nouveauté comics cette année. Donc, eh bien. Parce que Scotty nous écoute, évidemment. Du coup, je me prosternerai devant le dessin de lui que j'ai dans mon salon. Voilà. Et bah tiens, il arrive. Il arrive pas du tout, puisqu'il n'est pas dans la prochaine catégorie. Non. Le prochain prix, c'est un vrai prix, Clément. Ouais. C'est meilleure série limitée. Donc c'est une mini-série ou maxi-série, donc une série dont on sait dès le départ qu'elle ne sera pas une série régulière. Pas comme les séries Marvel. Qui s'arrête au bout de 6 numéros. C'est ça. Et les nommés, donc, Clément, sont... Les nommés. Defrenchy The Infinite Loop, dont on en a suffisamment parlé. Voilà, on a fait un podcast qui n'est encore pas publié, hein, mais on en a fait un. Ah, ouais. Voilà. J'ai quelques soucis techniques. Voilà, il y a beaucoup de choses à effacer et tout. Il y avait pas mal de bruit cette soirée-là. D'accord. Donc du coup, mais il arrive. D'accord. Chrononauts. Donc personnellement, je ne comprends pas pourquoi je vais dedans parce que Chrononauts de Mark Millar. Ouais, j'ai trouvé ça assez mauvais. C'était très sympa sur 3 numéros, mais voilà, le problème, ouais. J'ai une mini-série en 4 et que Mark Millar a du mal, voilà. Fait beaucoup de promesses et du coup du mal un peu à conclure. J'ai trouvé que c'était un peu fermouillé le truc, ça m'a étonné. C'était pas si intéressant que ça. De quoi ? C'est assez spectaculaire, c'était pas si inintéressant que ça. Ouais. Les nommés. Troisième nommé, Book of Death. Donc dans l'univers Valiant. On a 8, donc Image. 8, c'est chez Dark Horse. C'est une mini-série en 5 parties, excellente. On a Man of Wrath. Man of Wrath, ouais, chez Marvel Icons, par, merde, j'ai oublié, Jason Aaron. Et on a Multiversity, donc... Oui, Grant Morrison. Il faut savoir que du coup, pour cette catégorie, on a pris en compte les mini-séries dont le dernier numéro a été publié cette année, ce qui explique la présence de Man of Wrath et Multiversity qui avait commencé en 2014. Hein. Petite précision également. Ça a été serré dans cette catégorie. On a entendu Arnaud faire oui à l'évocation de l'University. C'est vrai que c'était une énorme. Infinite Loop. Voilà, Infinite Loop aussi, tu as fait oui. Clément, la meilleure série limitée de cette année est. J'ai envie de faire durer le suspense. Bah alors vas-y, dis-nous qui n'est pas la meilleure série limitée de cette année. Alors, la meilleure série limitée n'est pas Book of Death. Non. Surprise. N'est pas Eight. N'est pas Eight non plus. N'est pas Man of Wrath. Non plus. N'est pas Chrononauts. Non plus. Donc ça joue entre Multiversity et Infinite Loop, on s'en doutait depuis le début. Ouais. Moins de 3% d'écart entre les deux. Et la meilleure Infinity série... Infinite Loop. Et la meilleure série limitée de cette année 2015 est The Infinite Loop. Voilà, The Infinite Loop. Pierrick Colline et Elsa Chartier qui ont réussi à traverser l'Atlantique pour aller publier leur projet chez IDW, mini-série aussi. Voilà, cocorico, j'ai envie de dire. Vous avez été pile 38% à voter pour The Infinite Loop. Et Multiversity, 35,11% des voix. Donc ça a été assez serré entre les deux. Et du coup, on a primé un peu la nouveauté, l'originalité et la récence dans les votes, en tout cas pour les auditeurs et lecteurs. Donc, c'est cool. Très cool. Totalement mérité. On vous en parle longuement dans le podcast, donc du coup, on va pas vous refaire la critique de The Infinite Loop, mais voilà, s'il y a quelque chose que vous devez lire cette année, c'est ça. Lisez-le en VF chez Glénat, c'est dispo en 2 tomes. Ça fait un petit peu cher, effectivement, d'acheter les 2 tomes, mais voilà, ça le vaut largement. Il y a surtout énormément de bonus dans les éditions de Glénat, des bonus super intéressants concernant l'histoire de l'homosexualité dans les comics, concernant l'histoire des personnages qui un jour se sont levés pour défendre une cause et briser la boucle infinie, justement, et voilà. Donc, belle chose que ce prix pour Elsa Chartier et Pierrick Collinet, donc 38% des votes. J'allais dire on y est, mais non, on n'y est pas encore. On va passer maintenant à la meilleure publication en kiosque, donc en VF. Alors, je vous rappelle le gagnant de l'année dernière, et ça va vous faire quand même doucement sourire, c'était Forever Evil. quand j'ai réexploré le palmarès l'année dernière, que j'ai vu Forever Evil, meilleure publication que l'année dernière, je veux dire, purée. Et oui, comme quoi tout est possible. Les nommés pour la meilleure publication en kiosque sont Marvel Saga hors série pour Panini Comics, Batman Saga chez Urban, Avengers Now chez Panini, la collection DC Comics publiée par Eagle Moss en kiosque, le Justice League Saga hors série et le magazine Star Wars de Panini. Est-ce que vous avez un petit pronostic là ? Star Wars, je dirais bien Batman. Star Wars ou Batman, c'est vrai qu'on a quand même deux gros noms là. Ouais, c'est pour ça. Je dirais Batman, même si je trouvais que le Star Wars était pas mal. Ouais, je dirais bien ça. DC Comics et Galmas. Et la meilleure publication en kiosque cette année est Batman Saga. Ouais, pas Batman Saga qui récolte 25,71% des votes. Effectivement, je pensais que Star Wars, le magazine de Panini, qui est très bien fichu, serait plus proche que ça dans les votes. Et au final, Star Wars n'a même pas 15% des voix. Quoi ? 14,86 exactement, donc se classe troisième. C'est Marvel Saga hors série qui arrive deuxième, donc Marvel Saga hors série qui publie des arcs complets, notamment sur les Inhumains, trois numéros sur les Inhumains cette année. Donc voilà. Batman Saga, voilà, meilleure publication kiosque. Alors est-ce que c'est vraiment la meilleure publication kiosque ou est-ce que c'est aussi le travail de kiosque chez Urban qui a voulu être salué après les votes des gens, je sais pas. Parce qu'il faut oublier que c'est quand même c'est Endgame aussi cette année, Batman Saga, hein, c'est pas. Bah ouais, c'est Endgame, donc enfin Batman de toute manière, ça, enfin, on en a déjà parlé quoi, mais ça a tellement perdu que. Ouais, c'est... Voilà. Mais bon, Batman Saga, c'est aussi Grayson cette année. C'est ça. Grayson, petit. Bon, Batman et Robin. Batman et Robin aussi. Voilà, petite pépite Grayson quand même. Donc. Le nouveau Batgirl était aussi dans Batman Saga. On sait qu'il y avait quand même pas mal de choses. Mais ça, c'est nul. Oh, c'était pas nul au début. Le premier arc est sympa. C'est après que ça devient un peu plus difficile. Voilà, bon. Un prix sans trop grande surprise. La seule surprise à la rigueur serait le petit score de Star Wars. On va passer au prix suivant. Le prix suivant, c'est toi, Léo, qui va t'en charger. Tu vas nous annoncer. Alors attends, Léo, je sens que t'es dans les starting blocks, là, que t'es prêt à démarrer. Hein. En même temps, c'est un prix important. C'est vrai. Donc, c'est le prix du meilleur film. Je vais te laisser, Léo, présenter les nommés. Alors, les nommés pour meilleur film sont Il Ragazzo Invisible. Oui! Le film préféré d'Arnaud, probablement. C'est Mathieu bien. Aussi. Et Mathieu aussi. Kingsman, qui était quand même une petite nouveauté dans le genre, par rapport à tout ce qu'on a au niveau super-héros, tout ça, bon, et qui offre quelque chose de vraiment nouveau, je trouve, cette année au cinéma. Puis sinon, en termes de gros pontes et habitué, on a Avengers 2, hein, Age of Ultron. Et on a sa présence est à moitié étonnante, à moitié, je sais pas, Ant-Man, qui est quand même le film qui a aussi énormément divisé. Et qui est divisé d'ailleurs entre le boulot d'Edgar Wright et celui de Peyton Reed. Et le petit nouveau, un petit peu aussi, Big Hero 6. La collaboration entre l'entrée de Marvel dans l'animation comme ça au cinéma. Film dont je n'ai pas compris. Un mot peut-être. J'ai pas compris la hype autour de Big Hero 6 que j'ai trouvé. Vas-y. J'ai pas aimé. Ah ouais. Ouais, j'ai pas aimé Big Hero 6. Rien de nouveau, rien d'enchantant, rien. D'accord. Moi, j'avais assisté à une présentation par Roy Conlill, l'un des producteurs, et de la manière dont c'était présenté et tout, ça avait l'air vachement bien, vachement ambitieux et tout. Alors, moi, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ambition. Au final, ça restait assez classique quelque part par moment. Il y avait vraiment, vraiment peut-être mieux à faire. Et puis, bon, malheureusement, je l'ai vu en VF, donc la VF, je trouvais infantiliser un petit peu le propos, surtout côté Baymax, je trouvais. Mais le film était sympathique, quoi. Ça changeait un petit peu quelque part au niveau. Ah ouais, il est plus intéressant que Ant-Man. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce film. C'est pour Baymax. Mais après, ça reste du Disney, donc je peux comprendre aussi le point de vue de Disney. J'ai adoré. De toute façon, le meilleur, c'est Il Ragazzo Invisibile, ne cherchez pas. Voilà, de toute façon, voilà. Peu, c'est déjà beau qu'il ait été nommé. Le score qu'il fait est magnifique. Franchement, le score qu'il fait est magnifique vu la portée médiatique qu'il a eue est assez révélateur sur la qualité d'autres films. Je pense aussi que le téléchargement a dû bien marcher pour ce film. Je l'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais voilà, c'est clairement le meilleur film de super-héros cette année. Enfin, voilà, il y aura une suite qui va arriver, qui est en écriture, qui va être en tournage en 2016, qui sortira a priori en 2017. J'espère qu'elle sera beaucoup mieux exposée en France que n'a été le premier. Mais voilà. Allez Léo, quel est le meilleur film cette année ? Le meilleur film est Ant-Man, non je déconne. j'ai eu peur. Non, le meilleur film est bien, malgré l'amour pour Il Ragazzo Invisible de Arnaud et Mathieu, je pense que ce n'est pas volé que d'attribuer ce film à Kingsman. Enfin, ce prix Évidemment. À Kingsman. C'est bien aussi. Évidemment. C'est donc Kingsman qui l'emporte, et moi je suis plutôt satisfait. En plus, il y avait Mark Hamill dedans, donc c'était. C'est vrai. Ah ouais. Et oui, Mark Hamill. Ah oui, oui, bah oui. Il joue le mec qui se fait exploser la tête au tout premier. Au tout début du film. Par l'professeur. Ouais. Le professeur. James Arnold. Alors que dans le comics, il y a vraiment un professeur qui s'appelle Mark Hamill. Et du coup, ils ont le là-dessus. Donc c'est plutôt marrant. Du coup, joli clin d'œil. Mark Hamill qui est plutôt. Alors, soit friand des petits cachets comme ça, pas choper à gauche à droite, soit friand des petits clins d'œil un peu geek, voilà, qui du coup a participé à ce film-là. Donc il y a un peu de Star Wars qui a gagné, du coup. Ils sont partout. Ils sont partout, ouais. En termes de proportion, Kingsman écrase tout. Hein. Kingsman 43,48%. Moi, j'avais pas voté pour ça. J'ai voté pour Avengers et Age of Ultron. Oui, qui arrive deuxième. Qui arrive deuxième grâce à toi, en grande partie, je pense. Et à ceux d'entre vous qui ont voté pour Avengers, je sais pas exactement. Moi, je crois, mais j'avais vu qu'Avengers. C'est du Whedon, alors j'accepte. Voilà. Donc du coup, non, il me semble qu'Akio Irish qui avait voté pour Avengers. Bref, c'est pas grave. Kingsman 43,48 points, donc du coup 18,03 pour Avengers Age of Ultron qui est deuxième. Mm-hmm. Et le troisième, c'est Ilra Gazzo Invisibile. Oh, bien. Qui se paye Ant-Man et Big Hero 6. Ah ouais, quand même. Avec 14% quand même. Donc c'est pour ça que je dis que le téléchargement a bien marché. Soit le téléchargement a bien marché, soit il y en a quelques-uns qui ont bien aimé le film et qui ont voté, qui ont bourré les urnes, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il se trouve que Ilra Gazzo Invisibile arrive troisième et c'est bien cool. Enfin, il bénéficie aussi des voix d'Arnaud et moi, hein, et comme on compte 30% l'équipe par rapport aux lecteurs-auditeurs, je pense qu'on a eu aussi un poids assez important pour le score de Ilra Gazzo Invisibile. Et c'est tant mieux qu'il soit sur le podium. Voilà, ouais, Ant-Man arrive juste derrière avec un tout petit peu plus de 13 points et Big Hero 6 un peu plus de 11 points. Voilà. Mais en tout cas, oui, Kingsman est bien. Voilà, mérite quand même. Rappelez-vous quand vous l'avez vu. Oh, j'étais totalement enthousiaste à la sortie. J'ai saoulé ma copine avec ça. Ouais, non, c'était quelque chose. Et puis voilà, le podcast aussi avait été assez unanime. Vivement la suite, d'ailleurs. Vivement la suite. Vivement la suite. Après, j'ai un peu peur. Moi aussi, quand même. Il y a des choses qui... Je sais pas, les suites comme c'était ça. C'était pas prévu, non C'était pas forcément prévu, donc. Voilà. J'ai hâte hein, de retrouver Exy, Harry Hart et compagnie. Mais. Il y a quelque chose qui me dit que voilà, ça pourrait être une petite déception. Donc à suivre, on n'est pas encore là, mais voilà. Ça y est, on y est, Léo Arnaud. Oui. Le voilà. Le voilà, le Noward de la série télé qui devrait rembourser aux téléspectateurs le temps de vie perdu à la regarder. Non, il est arrivé, c'est Clément qui va nous le présenter. Clément, tu vas prendre bien ton temps. Ah oui. Tu te fais plaisir. Bah, d'abord, annonce-nous les nommés ouais. prestigieux. Encore une fois, dans les Noirs, il n'y a que du prestige. Ah ouais, mais là, il y a des cadors quand même. Franchement, il y a pire que Gotham, là. Un peu de bon sens. Mais non, Clément, les nommés pour le Noward de la série qui devrait rembourser aux téléspectateurs le temps de vie perdu à la regarder sont Gotham, Supergirl, ouais. Strain. Oh, quelle horreur. Power. Burn. Arrow et The Walking Dead. Voilà le gagnant, voilà celui qui devrait gagner. Alors, je suis surpris que Fear the Walking Dead ne soit pas nommé. Oui, c'est encore pire que Walking Dead. Donc personne à l'époque où je vous avais demandé, hein, on avait fait des nominations collectives cette année, donc on était à peu près une petite dizaine à avoir décidé de qu'est-ce qui allait être nommé dans quelle catégorie. Et personne n'a mis Fear the Walking Dead. Il y a eu du The Walking Dead, mais pas du Fear the Walking Dead, qui pour moi était pourtant bien pire. Tout le monde s'en fout en fait. The Walking Dead qui n'arrive pas dernier. Quoi ? Bah c'est normal. Qui n'arrive pas dernier, ça veut dire que peut-être qu'il a gagné. Ah. Et voilà, c'est pas celui qui a eu le moins de voix, c'est ça que je veux dire. La série qui a eu le moins de voix, c'est une vraie surprise. Ah ouais ? Oui. Arrow. Vous verrez. Arrow dégueulasse cette année, Arrow dégueulasse. C'est clair. Mais pourtant, j'ai des amis qui n'arrêtent pas de me dire que c'était génial. Clément, est-ce que tu peux nous donner une série qui n'a pas gagné ? Ouais. Donc la première série qui n'a pas gagné, donc qui n'est pas la pire série de l'année, c'est The Walking Dead. Voilà, surprise. Walking Dead qui arrive 5e sur 6 dans les votes, donc il n'a eu que 11% à peu près des votes. C'est Elodie qui a bourré les urnes. Bah, qui a voté massivement pour les autres, du coup, ouais, peut-être. Une autre série, Clément, qui n'a pas gagné. Ouais, la série qui n'a pas gagné est The Strain. The Strain. On s'en fout, personne ne regarde. 12,58% des voix. Donc juste devant The Walking Dead, donc The Strain, quatrième dans les votes. Ce qui veut dire que sur le podium, on a soit Supergirl, soit Arrow. Mon Dieu. Ou Gotham. Ou Gotham ou Powers. Enfin voilà, il reste plus que 4 séries. Voilà. Mais on se doute quand même que Gotham et Powers seront peut-être a priori assurés d'être sur le podium. A priori. Il n'y a que 5 épisodes. Mais là, c'est le seul prix hein, pour lequel on va faire ceux qui n'ont pas gagné, mais là quand même. Clément, qui encore n'a pas gagné ce No Ward? L'autre série qui n'a pas gagné, c'est Supergirl. Et ouais. Ah, oui. Sixième. Et ouais, Supergirl, 6,70% des votes. La série qui a reçu le moins de votes pour ce No Ward. Peut-être l'erreur de casting, peut-être qu'on l'a nommée trop vite par rapport aux épisodes qui ont été diffusés après. C'est un peu tôt. Mais ça fait quand même un podium de rêve. Hein. Gotham, Powers et Arrow. Ah ouais. même si Gotham ne mérite pas. Arrow. Ah, Powers sur le podium. Powers première, je pense. Je vais quand même vous rappeler. C'était quand même horrible à avoir regardé. Le prix de la meilleure série en 2013, il y a 2 ans, c'était Arrow. C'était Arrow. La grosse tristesse. Bah, elle était bien, elle était bien. Là, il se retrouve sur le podium des No Ward. C'est une descente aux enfers terrible. On n'a pas Constantine dans les séries. Enfin, voilà, il y a d'autres séries hein, qui auraient pu être nommées Constantine en tête, mais voilà, il n'y avait pas assez de place. On pouvait pas. Ils l'ont un peu cherché, il hein, faut dire, Arrow. Hein. C'est clair. Clément, une autre série qui n'est pas gagnante. Une autre série, donc l'autre série qui n'est pas gagnante, c'est Arrow. Arrow, justement. Arrow qui arrive troisième. Allez, troisième sur le podium, je vais vous dire sa place. Donc les deux qui restent, c'est la série qui arrive numéro 1 des votes et la série qui arrive numéro 2. Arrow a tout fait pour gagner cette année. Hein. Ouais. Parce que franchement, ils sont allés très loin. Hein. Des morts, de résurrection. C'était quelque chose, quoi. C'était quelque chose. Mais voilà, ça a pas suffi. Il aurait peut-être fallu faire mourir certains personnages 2 fois de suite, je sais pas. C'est ça. Donc ça va se jouer entre peut-être plus de Laurel. C'est ça. C'est vrai qu'elle a été mise en retrait. Voilà. Donc il nous reste Powers et Gotham, la peste et le choléra pour certains. C'est ça. Léo ne veut pas que. C'est pas grave. Léo ne souhaite pas que Gotham l'emporte, et je vais parler franchement, je le souhaite pas non plus. Ah, pour la saison 1, si, ça serait mérité. Ouais, je peux regarder la 2, mais voilà, elle est mieux, mais pour la 1... Et Powers, pour moi, est en dessous de tout et mérite ce soir le No Ward de la série télé qui devrait rembourser aux téléspectateurs le temps de vie perdu à la regarder. J'y crois. Oui, Powers en x5, c'était toujours une catastrophe. Clément, qui remporte ce... et la pire série télé de l'année est... Bah, c'est con, là, on peut pas faire de la musique à suspense. Ah, mais il nous casse les oreilles, là. Vas-y. Gotham! Oh, c'est la vérité! Gotham, 29,90% des votes et Powers, 22,06%. Je démissionne! Donc, bravo Léo! Hein. Donc, on a le seul spectateur qui regarde qui va venir chercher le No Ward. Bah, c'est fini! Tu as un commentaire? Bah, tu veux féliciter, je sais pas, tes parents. Voilà, donc merci Bruno Heller, merci David Mazouz, merci Irene Richards. Voté à mort pour Gotham, hein. Même pas. Voilà. Gotham, j'ai regardé un peu, Gotham arrive en tête dans les votes des lecteurs et des auditeurs du site aussi. Hein. Y a pas, voilà, c'est pas seulement dans l'équipe que ça s'est joué, ça arrive même assez plus en tête que chez nous. Putain. Donc voilà, bah Gotham. Une merde. Gotham, No Ward cette année, de la série qui devrait rembourser ses spectateurs le temps de la regarder, qui est perdu à la regarder, à la rigueur, il devrait le rembourser qu'à Léo et à moi, parce qu'on est les seuls à le regarder. Ah non, je me suis tapé toute la saison 1. Ouais. Je vais regarder le début de la saison. Je vais te rembourser de ça. Hein. Pas la suite. Ouais, non, bah ça suffit. Hein. De toute façon, j'ai décidé en 2016 de considérer toutes les séries télé comme des Elseworlds, comme ça, je pense que je les vivrai mieux. même comme ça, ça reste une mauvaise série. Ouais. Si on enlève le côté Batman, ça reste une mauvaise série. Bon, Léo, sois pas trop triste. Deux No Ward pour Gotham déjà, ouais. Ouais. Autant le premier, je veux bien, autant là. Alors que Fantastic Four n'en est qu'à un. Mais il reste encore quelques possibilités pour le film de briller. Hein. Faut pas s'inquiéter. Allez, on va passer au suivant pour se remettre gentiment de nos émotions. Enfin, surtout que Carnot se remette de son triomphe, que Léo pleure quelques instants. on va parler de la meilleure série mainstream dans les comics VO. Donc, on a considéré mainstream, enfin j'ai considéré plutôt mainstream, Marvel, DC et The Walking Dead. Parce que The Walking Dead est dans des chiffres de vente tels que j'ai du mal à le considérer comme une vraie série indépendante maintenant. Il y a du vrai merchandising autour de tout ça, des tonnes de produits dérivés, une série télé, etc. Une série télé qui a même un spin-off maintenant. Voilà, j'ai du mal à dire The Walking Dead c'est une série indé. Dans les faits, ça l'est, hein, puisque c'est pas financé par l'éditeur, mais bien par la personne qui est derrière, c'est du creator owned. Mais voilà, c'est devenu du mainstream commercialement en tout cas. Donc voilà. Les nommés pour la meilleure série comics mainstream de cette année sont Thor chez Marvel, Midnighter chez DC, Grayson chez DC également, Star Wars chez Marvel et Darth Vader chez Marvel aussi. Voilà, donc là on a 5 séries. J'en jetterai pas une. Non, moi non plus. Dans les 5, Star Wars, enfin, voilà, tout le monde connaît mon amour pour cette série. Voilà, Marvel qui a réussi une brillante reprise de la franchise avec Star Wars, un peu moins avec Darth Vader parce que on va peut-être plus rapidement tourner en rond avec le personnage, mais Star Wars, la série principale, est super cool, quoi. C'est juste du cool en fait. Et c'est tout ce que j'attendais d'un comic Star Wars en fait, c'est de me remettre dans l'ambiance. Dès le mois de janvier pour qu'on commence l'escalade doucement jusqu'au film, et voilà, ça a été super bien réussi. Et puis Midnighter, grosse révélation du DCU, tu diras pas le contraire Clément, je sais que tu non, c'est génial, c'est l'un des meilleurs titres. Grayson, c'est incroyable. Oui, Arnaud, pareil, tu l'as lu aussi, je crois que Clément, tu l'as suivi un peu. Grayson ? Ouais. Non, c'est Arnaud, donc il y a que Arnaud, voilà. Grayson, c'est quelque chose. Et puis Thor, donc j'ai mis Thor et non pas les autres noms, parce que c'était pour l'ensemble de ce que sur Thor cette année, parce qu'il y avait plusieurs relaunchs, on est chez Marvel, hein, faut pas l'oublier. Donc, bah surtout que là, je crois pas qu'il y ait de nouveaux titres Thor en... Si. Il s'appelle Thor tout court, je crois, et avant c'était Thor, God of Thunder, enfin voilà. D'accord. Donc, du coup... Moi je me suis arrêté, il y avait une pause, le dernier numéro où je me suis arrêté, c'est quand on apprenait l'identité... De la Thor féminine, bah du coup ça a continué après, et puis il y a une nouvelle série toujours avec elle, hein, d'accord, qui a repris il y a très peu de temps, bah dans le cadre du All New Marvel, All New All Different Marvel. Voilà, allez, un petit pronostic sur cette meilleure c'est série. C'est dur à dire. Ah, d'habitude c'est Clément. Non, je te dirais bien c'est vrai que les votes ont lieu en décembre, donc faut peut-être le prendre en compte. Ouais. Mais après, je vois mal Midnighter et Grayson l'emporter. Bah, parce que Midnighter, ça reste assez, relativement confidentiel, je pense. Que tu prends Thor, par exemple, c'est quand même un nom qui attire plus, parce que Midnighter, c'est quand même un personnage qui est assez récent. Donc, je vois mal. Midnighter, le personnage n'est pas récent, la série est récente, mais le personnage n'est pas récent. Ouais. Mais ça fait un moment qu'il existe, voilà. Ah, d'accord. Bah, écoute, moi j'en avais entendu parler récemment, mais je vois mal Midnighter remporter. Ou alors ce serait une très grosse surprise. Ouais. Mais est-ce que nos lecteurs et auditeurs ne sont pas des gens surprenants, plein de bon goût finalement? C'est ça. Le prix donc de la meilleure série mainstream cette année, c'est Grayson. Oh, oh, belle surprise. Devant Star Wars. Grayson, 24,43% des votes. Devant Star Wars qui finit deuxième avec 22,56%, ça a été serré là aussi. Et Clément, la preuve que tu te trompes, c'est que Midnighter est troisième. Bon, bah, comme avec quoi. 22,13%, 0,4 points derrière Star Wars. J'avais dit que je le voyais mal gagner. Mais tu vois, finalement, il finit à 2 points du vainqueur. Hein, ouais, c'est quand même... Donc, on a trois bonnes. On a un beau podium. Ouais, c'est ça. Grayson, Star Wars et Midnighter, pour tout ce qui est mainstream cette année, c'est un beau podium. On n'a pas de Secret Wars. Étonnant. Mais c'était, même s'il y a eu des tie-ins plutôt bons, voilà. On n'a pas de Batman. Et non, on n'a pas de Batman. Je m'en étais même pas rendu compte. Ça fait un mois que je suis la tête dans les votes et machin et tout ça, et je m'étais même pas rendu compte qu'il n'y avait pas de Batman, que personne n'a pensé à mettre une série Batman dans le... Ah non, moi, ça m'est pas venu à l'idée, même si j'adore Batman, ça m'est pas venu. Et d'ailleurs, Batman n'apparaît pas dans les autres, parce que les gens avaient le choix de voter pour autres, hein, ils pouvaient rajouter leur propre réponse. Et voilà, on a eu un Doctor Strange, on a eu 2-3 choses comme ça, du Iron Man, je crois, enfin 2-3 trucs comme ça, mais on n'a pas eu de Batman. De mémoire, j'en vois pas. Je crois même moi, j'avais pas voté pour Batman, parce que ça n'a rien à voir que le Batman en 2012 et 2013. Quoi. Voilà, c'est donc le plus beau cul des comics qui remporte ce prix. La promo est faite clairement autour de ça. Hein. Ah ouais, Arnaud, c'est pas toi qui vas le démentir, dans chaque épisode, quasiment, il est fait mention à son cul. Oui. Hein, notamment là, notamment là, au moment où Midnighter apparaît et qu'il voit juste son cul en disant « Je ne vois peut-être pas son visage, mais je reconnais son cul entre mille. Voilà. » C'est également un commentaire. Voilà. Hein, et puis également ce passage où Grayson doit faire croire qu'il est gay parce qu'il est prof dans une école de quoi. Enfin voilà. Et du coup toutes les jeunes filles sont en émoi devant lui, donc il fait croire qu'il est gay, etc. Et du coup il y a une des jeunes filles, et il se fait appeler Paris dans cet établissement. Et il y a une des jeunes filles qui dit Paris est gay, mais je montrerai bien sa tour Eiffel. Clément, un commentaire? Non. Voilà. C'est une série hyper second degré, hyper drôle, hyper fraîche. Le personnage de Dick Grayson voilà, méritait une telle mise en avant et c'est vraiment, vraiment très réussi. Le premier tome vient de sortir chez Urban pour 19 euros, je crois, quelque chose. Et il y avait 8 épisodes dedans, je crois. Donc c'est un beau premier tome, donc allez-y. On a quelques gens qui réagissent à la victoire de Gotham. Jikos qui dit en même temps Gotham sans Batman, what did you expect, Earth? C'est pas sur Batman, oh là là. Je contesterai cette décision jusqu'à ma mort, vous êtes pas rendu. Et concernant Fantastic Four, c'est ce que j'avais lu, que le film était nul, tellement nul que Stan Lee n'y fait aucune apparition, si j'ai bien compris. Pourtant, Papy Stan Lee, il est prêt à aller n'importe où. Hein. Ouais. Donc, même dans les anciens Fantastic Four, c'est ça. J'ai même vu dans le film Lego Marvel qui passe le matin sur France 4. Il est dedans. Oui, et il apparaît en vendeur de hot dog. Ouais. Donc vraiment. Même dans Big Hero 6, hein, il est aussi animé. Ouais, bon, c'est un truc plus prestigieux que Lego Batman, le téléfilm Lego Batman diffusé sur France 4 à 8h du matin. Ouais. Plus prestigieux quand même. Clair, c'est clair. On arrive maintenant à un des prix les plus importants. Vraiment, hein, puisque là, on va quand même récompenser le meilleur scénariste. Donc c'est ouais. Voilà, là, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Clément, c'est toi qui vas te charger ouais. de ce prix. Je vais te demander de nous annoncer quels sont les prestigieux, parce ouais. que pour le coup, non, c'est vraiment prestigieux, sauf un, nommés pour cette catégorie. Ouais, là, les nommés, je pense que c'est l'une des catégories les plus... Les plus relevés, les plus difficiles à pronostiquer. Clairement, voilà. J'étais incapable de dire qu'elle a gagné. Même si on avait un ou deux souhaits au fond de notre petit cœur. Donc, le premier nommé est, sans surprise, Brian K. Vaughan. Donc, j'ai plus besoin de présenter l'ensemble de son œuvre. Cette année, quand même, juste pour préciser, cette année, c'est Saga, c'est Private Eye, c'est aussi Paper Girls, et puis We Stand on Guard. C'est ça. Ah oui, Winston Vanguard qui ne doit pas servir à faire. Il est réveillé, c'est bon. C'est ça, c'est vrai, j'avais zappé Winston Vanguard qui est pas mal. Est également nommé pour cette catégorie meilleur scénariste. Steve Orlando, donc pour Midnighter. Ouais. Jason Aaron, Man of Wrath. Jason Aaron, c'est aussi Star Wars. C'est Thor aussi, enfin voilà. C'est... Ouais, donc c'est du lourd. Meilleur scénariste de. Nommé dans le meilleur scénariste de l'année, Scott Snyder. Donc Scott Snyder, cette année, c'est Batman et c'est aussi Witches. Ouais, enfin Witches. voilà. Nommé suivant. Jeff Lemire. Oui. Jeff Lemire pour, évidemment, Tender, mais aussi pour Plutona. Pour Book of Death, il a participé à Book of Death chez Valiant et pour Bloodshot Reborn chez Valiant, qui est excellente. Et le dernier nommé est Greg Rucka, qui a signé le prélude de Shattered Empire pour Star Wars, qui a signé cette année également Black Magic Image de numéro 200. Et Greg Rucka, c'est aussi Lazarus. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on a quand même des beaux noms. Il y en a un dans le lot, voilà, Scott Snyder, moi personnellement, voilà. Ah non, moi je l'aurais pas mis dans cette catégorie. Mais je respecte le comité qui a choisi de nommer. Hein, je l'avais pas. Je sais même plus si je l'avais nommé, mais en tout cas j'aurais pas voté. Je sais même pas si j'ai voté pour lui parce qu'il est pas, enfin, il est clairement en dessous de beaucoup d'autres. C'est ça, cette année en tout cas. Un petit pronostic, notamment Arnaud. Brian K. Vaughan. J'imagine difficilement Saga perdre. Tu imagines difficilement Saga perdre, bah bon, on verra si c'est le cas. Brian K. Vaughan qui avait gagné l'année dernière. Hein. Et il y a 2 ans aussi, je crois. Et il y a 2 ans aussi, c'est ça. Qui tente la passe de 3, est-ce qu'il l'a réussi? Clément, le meilleur scénariste cette année? Suspense ou pas suspense? Oh, pas suspense, tu peux non, y aller. Pas suspense. Tu peux laisser exprimer tout ton bonheur. Ouais, ça ne sera pas Brian Kilvogel. Oh non. Si c'est Lemire, ça me va. Mais le meilleur scénariste de cette année 2015 est, et j'en suis très heureux, Jeff Lemire. Oui, Jeff Lemire qui nous fera le plaisir de sa présence en France, à Angoulême, dans un mois, là, dans un mois tout juste. Voilà. Donc, Jeff Lemire qui va présenter Descender notamment, qui sortira à cette période-là chez Urban Comics. Donc Jeff Lemire, meilleur scénariste cette année, d'après vos votes, d'après les nôtres aussi, il n'était pas forcément premier, parce que plus de personnes ont voté pour Kevon. Mais voilà, Jeff Lemire mérite amplement son prix. Exactement. Excellent boulot cette année, même s'il a raté, il a fait un faux pas quand même. Il a fait Teen Titans Earth One, voilà, ça c'est un faux pas. Les X-Men, le premier est fortement déçu. Après, on retrouve un peu sa patte et du coup, ça va. Je suis prêt à lui pardonner. Quand il est en indé sur les séries indépendantes, il est génial. Il a cette année, mais déjà Trillium. Et puis voilà, Trillium l'année dernière, mais voilà, Bilisé aussi, tout le reste, hein. Voilà, Underwater Welder, qu'est-ce qu'il a fait encore, qui va être adapté en série télé bientôt, Essex County, enfin voilà, scénariste de génie. 33,86% des voix, Brian Kevon, 30,16%. Donc ça, c'est vraiment joué entre ces deux-là. Le troisième, c'est Greg Rucka, avec quasiment 18%, Scott Snyder, 7 points, enfin voilà. Et Steve Orlando en dessous des 1%, mais Steve Orlando, c'est que Midnighter, et à la rigueur, c'est quand même pas le plus connu de la liste. Hein. C'est sûr. C'est normal, quand on peut en choisir que 3 dans une liste comme ça, lui, forcément, il fait les frais derrière. Voilà. Donc, Jeff Lemire, meilleur scénariste cette année. Alors, on arrive à un prix important également. Prix important pour une raison simple, on peut le dire dès maintenant, on vous a dit que ça allait être très serré cette année, et c'est pour ce prix-là, notamment, ça a été très serré, puisque... Il y a David Tennant, c'est un facteur perturbateur. Pour ce prix-là, on va avoir une égalité. Ouais. C'est ce prix-là qui va être partagé entre deux personnes. C'est le prix du meilleur personnage masculin dans une série télé. Donc Clément, je vais te laisser présenter les nommés. Et donc là, il y a de la concurrence. Là, il y a de la concurrence. Je trouve Léo Fitt, Batman Top Chief, Cisco Ramon de The Flash, Barry Allen de The Flash, Wilson Fisk de Daredevil, Seagrave de Jessica Jones, Phil Coulson de Agents of S.H.I.E.L.D. et Matt Murdock de Daredevil. Voilà, donc 7 personnages dont on a vanté les mérites un peu toute l'année. Hein. Ouais, certains sont clairement de vraies révélations, même. Non, mais il y en a, c'est des personnages tellement travaillés ou tellement vachement bien développés. Genre, Léo Fitz, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivée dans les séries. Léo Fitz, Coramon, c'est des purs bons développements, quoi. Et puis, parmi les créations, entre guillemets, puisque c'est la première fois qu'on les voyait vraiment à l'écran, sauf peut-être pour Wilson Fisk, mais bon, on va oublier le film. Wilson Fisk, Kilgrave, c'est une pure réussite. Matt Murdock, j'en parle pas. Transposition de Phil Coulson à la télé était vachement bien. Et puis même Barry Allen, grande Gustin Feder, donc voilà, quoi, que du bon. Ouais. Juste petite parenthèse technique. Je pense que le bruit qu'on entend régulièrement, c'est quelqu'un qui frotte son micro. Alors soit avec son t-shirt, soit avec son visage. C'est pas Harry. Mais voilà. C'est sans doute ça. Alors, du coup, on va pas parler du meilleur personnage masculin à la télévision, Clément, mais bien des meilleurs personnages masculins dans une série télé. Et les deux vainqueurs, avec 20,10% des voix chacun. Même nombre de voix dans l'équipe et même nombre de voix parmi les auditeurs et lecteurs. Donc là, impossible de les départager sur quelques critères que ce soit. Donc du coup, égalité. C'était improbable avec presque 1500 votants. Là, c'était le truc quasiment impossible qui ait lieu. Et si, on l'a. Et à la rigueur, tant mieux. Les vainqueurs, Clément, sont Léo Fitz et Kilgrave. Oui. C'est bon, ma soirée est finie. Vous pouvez dire que Gotham est un award, je m'en fous, c'est bon. C'est totalement... Léo Fitz avec son fabuleux Science Beach. Et puis il y en a d'autres. Hein. Enfin, c'était son cri aussi face au monolithe. Enfin, voilà, c'est plein de grands moments. C'est un vrai bon développement de personnage. Et puis Kilgrave. Mais c'est David Tennant. Les urnes ont dû être bourrées par Léo. Hein. Ah mais qu'est-ce que tu crois? Moi j'ai envoyé là, je me suis pas privé. Ah c'est tellement mérité. Vous voulez pas appeler David Tennant pour qu'il vienne chercher son prix quand même? Eh bien il faut que je crois qu'il est là. Hello everybody. Thank you. Et là on a perdu Clément. On a perdu Léo qui vient de faire une. Donc voilà, deux bons personnages, mais voilà, Fisk l'aurait mérité aussi, Mordom dans une mesure aussi, Ramon vraie révélation. Voilà, il y a plein de beaux personnages et finalement je suis content qu'il y ait cette égalité. Voilà, puisqu'à la rigueur Kilgrave voilà a crevé l'écran clairement sur la saison de Jessica Jones et Léo Fitz c'est une révélation fulgurante sur. C'est une révélation de au fur et à mesure quoi. Chaque épisode il est meilleur. Donc du coup voilà. Donc peut-être que l'année prochaine bah ça y est il sera enfin parce que Léo Fitz c'est l'éternel second. L'année dernière il avait fini derrière Barry Allen. De très peu, là il arrive à égalité pile poil avec un autre gros personnage masculin. Voilà, l'année prochaine, peut-être que ça passera, on verra. Ah, c'est déjà ça, il est quand même premier malgré tout, donc ça va. C'est ça. Allez, on va continuer et on va revenir au No Ward. Je sais que ça vous manquait. Je sais que Gotham et Fantastic Four vous manquent. Putain, mais là, les gars, si celui auquel je pense gagne, franchement, il y a une anomalie là. Ce serait la haine. Donc, nous allons passer au No Ward du personnage de série télé ou de film dont tu arrives à regretter qu'il ait été créé dans les comics. J'avais pas vu les nominés. Ah, c'est beau. Donc. Irish, s'il te plaît, les nommés pour ce No Ward du personnage de série télé ou de film dont on arrive à regretter qu'il ait été créé dans les comics sont... Voilà. Donc les personnages sont Sue Storm pour Fantastic Four, Ben Grimm pour Fantastic Four, Johnny Storm pour Reed Richards, Doom... pour, le casting de Fantastic Four, les cinq et cinq, de toute façon. Voilà. Donc Reed Richards et également Doom. Et ouais, oui, puisque on parle de No Ward, il en fallait un. Bruce Wayne... Pas pour Gotham, évidemment. Non, mais les mecs, si Bruce Wayne gagne, là, je crie au complot. Là. Alors, voilà, sans te dire pour le moment qui gagne, je peux te dire que Bruce Wayne est très bien placé. Je suis pas rassuré, là. Je sais pas si... Il est sur le podium. Je suis pas rassuré, Mathieu. Le podium, et il a pas la médaille de bronze. Donc, il est pas premier. David Mazouz a-t-il, par sa brillante prestation, réussi à faire que l'on regrette que Bruce Wayne ait été créé un jour dans les comics? Plus qu'un film Fantastic Four complètement pourri. Ah, voilà. Ah, mais il y a du niveau avec Bruce Wayne, avec son amour et avec Selma Kyle. Irish, qui est le personnage de série télé au cinéma que l'on arrive à regretter, dont on arrive à regretter qu'il ait été créé dans les comics? Donc, le personnage de série télé dont on arrive à regretter qu'il ait été créé dans les comics est... Il a dit série télé. Pardon. Dans les comics. Et donc, oui, c'est effectivement le professeur Doom. Évidemment, Doom. Voilà. Docteur Doom, quand même. Docteur Doom. Voilà. Ah, parce que c'est une catastrophe, Docteur Doom. Voilà. Pour sa magnifique interprétation. Voilà, par Toby Kebbell. 43,76 pour... Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Bruce Wayne se contente de la moitié, à peu près 22,7. Ah, bah ça va. J'ai voté pour lui, mais j'ai hésité avec Ben Grimm. Voilà, et puis Sue Storm, 18,5 quasiment pour compléter le podium. C'est beau quand même, ils ont rappelé tout, mais dans les nominations. Voilà, donc ça y est, Fantastic Four égalise avec Gotham, avec son deuxième No Ward ce soir. Il va les battre, c'est sûr. Ah, qui va gagner cette lutte acharnée? Léo va-t-il avoir une petite partie de sa fierté conservée? Mais les mecs, on croirait que dans la production de la série. Voilà, pour ce No Ward donc, du personnage Docteur Doom, suffit d'aller voir la photo de lui qu'on a mis sur Twitter pour illustrer le prix, hein, je pense que vous comprendrez. Bien que son esthétique, ça suffit, tu vois. C'est bon. Parce que de Docteur Doom, quand même, on arrive à regretter la version. De 2004. La version, comment il s'appelait, de Charles McMahon. Voilà, Julian McMahon. Qui était déjà bien mauvais quand même. Hein. Donc, il fallait le faire. Hein. C'était quelque chose déjà. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose. Et ils ont réussi à partir. Il a dit d'ailleurs à Julian McMahon que s'il y avait un 2, je crois, il me semble avoir vu que s'il y avait un 2, Julian McMahon voudrait reprendre son rôle. Il a tellement vu que c'était bon. Il a dit je suis dispo, c'est, beaucoup... c'est bon, parce que là, franchement, vous pouvez pas continuer. Quoi. Non, mais bon, ça se comprend. Il y a au moins quelqu'un de lucide dans l'histoire. Bon, allez, on va se laver un peu l'esprit, parce que là, on a besoin de passer à de belles choses après avoir parlé de Doom. On va parler d'un plus important quand même, la meilleure série comics indé cette année. Léo, tu vas nous présenter les 6 nommés. Donc les nommés sont Saga, Descender, Sex Criminals, Lazarus, Bloodshot, Reborn et Deadly Class. Voilà, donc 6 nommés, dont 5 de Image Comics. C'est qui Reborn, ça me dit rien. Bloodshot Reborn, c'est la série de Jeff Lemire dans l'univers Valiant. D'accord. Ah, parce que c'est plutôt deux lignes. D'accord, bah c'est une erreur dans le conducteur, du coup. C'est Bloodshot Reborn, c'est une seule série. D'accord. Ah, d'accord, Bloodshot. Saga tenant du titre, hein. Saga ouais. Gagnant l'année dernière, gagnant il y a 2 ans. On a vu que ça n'a pas porté chance à Brian K. Vaughan. Léo, la meilleure série de comics indépendants cette année? Alors, comme le déclarait Alain Delon pendant les Miss France, le prix de la meilleure série indépendante est et restera Saga. Oh. Saga, troisième année de suite. Voilà. Et deuxième Descender? Eh bien, écoute, j'envoie le tweet et puis je te réponds. Deuxième Descender, évidemment. Donc Saga, 32,62%, hein, presque un tiers. Descender arrive derrière avec 24%. Ah ouais, quand même. Et le troisième, c'est pas forcément celui qu'on a attendu, ce qu'on aurait attendu à cette place-là, mais c'est bien. Deadly Class. Ah, et pas Sex Criminals. Non, Deadly Class, Sex Criminals, qui finit avant-dernier de la catégorie. Oh, surprise. Catastrophe pour la série. On en parle en France dans les albums VF, etc., mais c'est vrai qu'elle a peut-être pas l'aura des autres. C'est un succès hein, chez Glénat, c'est clair, mais voilà, elle a peut-être pas l'aura d'un saga... Deadly Class, Eric Remender, c'est un scénariste qui est adoré chez nous aussi, donc et puis qui signe, voilà, Deadly Class, c'est quand même, voilà, c'est plutôt magistral. Donc, dispo chez Urban, 2 tomes pour le moment. Le premier est à 10€ encore pendant 4 jours, puisque chez Urban, les tomes à 10€, ça s'arrête à la fin de l'année durant laquelle est sorti le tome. Donc voilà, beau vainqueur, Saga. Ça nous aura encore ébloui cette année. Arnaud, toi, t'es à jour, je sais, ou presque. Presque. Oui. Tu dois avoir un épisode de retard. Donc, voilà, c'est. Moi, j'attends le. J'ai pas encore lu le dernier tome qui est sorti en France. Donc, le tome 5. Le tome 5, quoi. Mais bon, si c'est de la cabine des 4 premiers tomes, c'est un plaisir à lire. C'est une inventivité des dessins de Jenna Stables. Alors, quand tu liras ce tome, il y a une scène, je te la dis. Je la dédicace. Je te dis pas pourquoi, mais il y a une scène, voilà, elle est pour toi. Et voilà. Je pense que Fiona Staples, quand elle a dessiné quelque part, elle pensait à toi. D'accord, ok. Mais tu fais chier parce que du coup, je vais avoir encore plus envie de le lire. Ah bah ouais, parce que là vraiment, on a eu des belles scènes dans Saga. On a eu le géant aux testicules énormes et purulentes. Exceptule. On a eu pas mal de scènes sexuelles. Ouais. Voilà. Entre un humain et une araignée. Voilà, on a eu une scène de masturbation aussi. Enfin, voilà, on a eu plein de belles choses. Dragon. Une scène de fellation et d'éjaculation faciale également. Bah, dans l'écran de Prince Robot 4, il y avait une histoire de censure, oui. Rappelez-vous, c'est vieux. Hein. C'est vieux. C'est vrai. Hein. Non, c'était caché dans un petit coin d'image, mais il y avait bien ça. Voilà, il y a le dragon aussi. Et voilà, et ben justement, le dragon, c'est ça, c'est dans le tome 5. Donc justement, garde le secret, s'il te plaît. D'accord, ça commence par un F, non Tu verras. Il y a une belle histoire, belle histoire d'amour. C'est encore pire que ce que tu peux croire. Voilà. C'est la confiance, quand même. Non, on dit plus rien. Là, stop, on va laisser un peu de suspense pour Clément et puis pour les autres parmi les auditeurs qui n'auraient pas encore lu ce tome 5 qui est sorti quand même assez récemment. Avec vous plaisir. Chez Urban et qui a dû être. Exactement. Qui a dû être sous le sapin pour beaucoup de personnes. Vous êtes dégueulasse. J'assume, c'est moi qui ai lancé, j'assume. Voilà. La faute. Allez, on va passer maintenant à la VF et on va passer au meilleur album, carrément, meilleur album dans le côté mainstream des comics. Et Arnaud, tu vas nous présenter les nommés. C'est la Flash Anthologie d'Urban Comics. Oui. Le Star Wars tome 1, Skywalker passe à l'attaque chez Panini. Celui qui a été un très grand succès chez Panini, le tome 1 de Miss Marvel, Métamorphose. Ouais, réédité plusieurs fois déjà. Ouais. Et Killing Joke, édition spéciale 75 ans chez Urban. Grayson, tome 1 chez Urban. Et le tome 24 de The Walking Dead chez Delcourt. Voilà. pas mal de belles choses. Et le meilleur album VF mainstream cette année, Arnaud, est... Il n'est pas Star Wars. Non. C'est du Urban. Ouais. Flash. Et non, c'est Killing Joke. Batman gagne toujours. C'est Killing Joke pour les 75 ans de Batman. Une belle édition en noir et blanc. Ouais, c'est une très très belle édition en noir et blanc, hein, voilà, qui... de cette histoire quand même ultra culte pour fêter les 75 ans du Joker. Voilà, l'année dernière, on a eu plein d'albums 75 ans Batman qui étaient sortis en noir et blanc. Cette année, c'est le Joker qui a 75 ans. C'est pas le seul, hein. Flash, Flash aussi, Green Lantern aussi, Robin aussi, mais voilà, c'est le Joker qui a été mis en avant et c'est Killing Joke. C'était déjà un album en noir et blanc qui avait gagné l'année dernière. Ah ouais. Je sais plus lequel dans les quatre. Je sais pas si c'était pas La Cour des Hiboux en noir et blanc. Voilà, c'est très belles éditions, même temps. Mais voilà, c'est des éditions magnifiques, la couverture blanche et tout. Voilà, bah, succès encore pour Urban Comics. Hein. D'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour s'attarder un petit peu sur Urban Comics. 39 fois nommé cette année. Oh la vache. 39 fois nommé, que ce soit par les titres qu'ils publient, par les artistes aussi. Hein, y a plein d'artistes ou de scénaristes qui sont nommés qui sont aussi publiés par Urban. Donc voilà, mais c'est fortement aidé par Image, hein, Image qui est 32 ouais. fois nommé cette année. Voilà. Wow. Et qu'on a déjà remporté quelques-uns, notamment avec Saga et Jeff Lemire, entre autres. Voilà. Même si Miss Marvel aurait quand même mérité de gagner. Miss Marvel, mais on parle du meilleur album, et je pense qu'il y a aussi dans l'esprit des personnes qui votent l'édition qui a été récompensée, ouais. la belle édition, le beau livre. Oui, ça comptait beaucoup pour Killing Joke. Et voilà, et Miss Marvel arrive avant-dernière, quoi. Mérité, hein. Clairement, c'est pas mérité parce que c'est un bel album. En plus, Panini a fait le bel effort de changer sa collection 100%. Mais oui, il a rien de spécial, je comprends. La Flash Anthologie, c'est un beau bouquin qui raconte toute l'histoire de Flash, donc forcément, ça attire plus. Le deuxième, c'est Walking Dead, tome 24. Oui, toujours Walking Dead. 25,70%, 0,4 points derrière Killing Joke qui a eu chaud au cul. Walking Dead qui a bénéficié hein, sur Twitter du relais de Delcourt et de Charlie Adlard hein, qui ont retweeté les appels au vote et qui ont forcément déclenché pas mal de votes et du coup ça aurait pu changer la donne pour ce prix, mais voilà, il en a manqué un tout petit peu encore et c'est Killing Joke qui est resté en tête. Et le troisième pour fermer le podium, c'est la Flash Anthologie. Ça se trouve, ça aurait pu être le deuxième. Ou peut-être, mais Walking Dead, était quand même bien, était quand même en bonne position aussi. C'est une série, c'est la plus vendue hein, en France, donc c'est pas étonnant non plus qu'elle se retrouve à une bonne place. Et voilà. Et les trois tomes qui sont sortis cette année chez Delcourt, qu'on a quand même eu trois, sont pas dégueulasses, loin de là. Donc voilà. On va revenir à la télé. On va rester dans les awards, dans les vrais bons prix. Et Léo, c'est toi qui va nous parler de meilleurs personnages féminins à la télé. Alors, est-ce que c'est la même histoire que du côté du cinéma où on a du mal à en trouver un bon tout court ? Là, pour le coup, non. Ah non, pas du tout. Clairement. Léo, les nommés pour les meilleurs personnages féminins à la télé avant qu'on en discute un petit peu ? Les nommés donc, pour meilleurs personnages féminins à la télé sont Daisy Johnson, alias Sky de Agents of S.H.I.E.L.D., Melinda May, d'Agents of S.H.I.E.L.D. toujours, Jessica Jones, évidemment, de la série du même nom, Claire Temple pour Daredevil et Jessica Jones rapidement, mais bon, surtout Daredevil. Peggy Carter pour la série du même nom. Oui, c'est ça pour Agent Carter. Liv Moore pour iZombie. Et évidemment, tu vas dire le gagnant là ou pas ? Non, pas encore. Hein. Pardon ? Il en reste un. Bon, ça va alors. Parce que il en reste un. Je faisais un petit effet d'annonce. Non, le dernier sans qui. Bon, d'ailleurs, on a parlé de cet épisode fabuleux d'Agents of S.H.I.E.L.D. qui a gagné, qui mettait en scène donc la dernière nommée, Gemma Simmons. Voilà, évidemment. Donc qui du coup a ses chances, puisque son épisode a gagné. Voilà. Et on notera aucun personnage de DC Comics. Ah, c'est vrai. Surprise. Ah, si, Liv Moore. Il y a Liv Moore. Ah, ouais. Aucun personnage, Batman, Supergirl. Quand tu vois les personnages par série. Tu voulais mettre un peu Mara Iris. Tu voulais mettre qui, 4 ans? Non, oui, mais personne. C'est ça, justement, qui est très révélateur. Quoi. Ouais. Enfin, oui, clairement, j'en vois pas un. Mais à l'époque, ça aurait peut-être pu être Felicity. Kathleen, c'est la moins pire, disons, Kathleen. Mais... Alors, le meilleur personnage féminin à la télé l'année dernière, hein, on avait mélangé acteurs masculins et féminins, on avait juste fait une catégorie meilleur personnage féminin à la télé, c'était Felicity. Hein. Sérieux ? Je sais pas ce qui nous était arrivé, ce qui était arrivé aux lecteurs qui avaient voté, enfin voilà, c'était Felicity l'année dernière. Donc c'est Felicity qui remet son titre en jeu cette année. Bah, il y avait la saison 2 de Arrow, c'est pour ça. Ouais, donc Felicity, oui, il y avait ça. Il est cassé, il faut dire. Felicity n'est pas nommée. Je suis en train de remonter au award de l'actrice personnage machin et elle n'était pas dans les nommées. Donc voilà, t'es nommée. Et c'était qui en 2012 qui avait remporté ? Ah là, tu me demandes de remonter trop loin, je sais pas. Parce qu'en 2012, en fait, il n'y avait pas eu d'award parce qu'on n'avait pas commencé, en fait. Ah non, bah 2013, pardon. 2013, je sais pas. Franchement, je me rappelle plus. Sans doute Felicity aussi. Non, ça aurait pu être aussi peut-être l'agent Coulson ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'était... Allez, Léo, le meilleur personnage féminin dans une série. Le meilleur personnage féminin à la télé et vu l'entrée fracassante qu'elle a fait à la télé et, pour notre plus grand plaisir et surtout pour le mien, je dois bien l'avouer, parce que pour avoir un bon méchant, il faut aussi un bon héros. Et si Kilgrave va gagner tout à l'heure, c'est Jessica Jones qui l'emporte. Forcément. Il fallait bien associer le duo de cette série magnifique avec ses acteurs magnifiques, ses personnages magnifiques. De toute façon. What else, j'ai envie de dire. C'est ça. Jessica Jones qui a survolé les votes hein, dès le départ avec presque 40% au final, hein, 39,18% des voix. Effectivement, même en disant la liste des nommés, quoi, clairement. Et puis en plus, ça a été utilisé juste avant la fin des votes, donc ça a dû jouer aussi. C'est ça, juste avant que les votes... Il y a l'effet de surprise. Mais elle émerge clairement, enfin surtout oui. elle pète, enfin elle a vraiment tout cassé, quoi. Là c'est tendu. Elle pète. Ouais, ça va. Non mais elle est vraiment, enfin son personnage est à la fois atypique et atypique, original, punchy, enfin il y a tout, quoi, dans Jessica Jones. Et puis l'interprétation de Kristen Ritter est juste magnifique, donc non, elle avait tout. Ouais, c'était évident. Non, mais c'est clair. Je pense qu'on a tous voté pour Jessica Jones. Ah, ouais. En deuxième place, 25 points derrière. C'est dire l'écart. C'est Peggy Carter. Ah ouais. Autant ne démérite pas, hein, mais bon. Non, bah, c'est une... C'est un personnage apprécié par le public. Mais c'est vrai que... Par le public, et notamment par le public féminin. Peggy. Jessica aussi, hein, mais voilà, Jessica et Peggy, c'est vraiment deux personnes qui, à mon avis, plus que... En même temps, ils sont pas servis. La représentation féminine n'est pas servie par Supergirl ou... Non, mais on a Melinda May qui est quand même pas non plus... Voilà, ouais. Melinda qui arrive troisième, avec un petit peu moins de 13% des voix. Voilà. Pour le podium complet. Moi, je suis satisfait. Ouais, non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, tout ça. Je suis étonné que Morena Baccarin pour Lee Tompkins n'ait pas été nommée, hein, franchement. Alors, on parle de Gotham, donc les Noirs ne sont pas loin. En voici un nouveau, Noir Comics cette fois, le Noir du plot scénaristique dans un comics que le scénariste a proposé en pensant faire une blague et que l'éditeur a adoré. Donc, du coup, on s'est tapé hein, dans les comics concrètement. Irish, quels sont les deux nommés? Les deux nommés, donc il s'agit le nouveau Batman et Convergence. Voilà, donc on a du lourd. Hein. Et que du DC. Et que du bah oui, en même temps. quoi de pire. On aurait pu mettre le plot scénaristique aussi de comment ça s'appelle, Black Vortex, parce que c'était quand même pas mal non plus. Non, mais il est pas si mauvais que ça, le nouveau Batman. Oh, le nouveau Batman n'est pas si mauvais. Voilà, bon, on va pas... Juste physiquement. Non, d'accord, physiquement. Et après, l'histoire... Oh, il s'est tiré par les cheveux, l'explication. Alors, on va pas trop spoiler pour les lecteurs VF. Alors, les lecteurs VF, bouchez-vous les oreilles pendant une demi-minute, histoire qu'on en parle. Mais voilà, enfin, la personne qu'on met sous l'armure, là... Fin... Oui, non, mais d'accord. Ah, ok, moi, je pensais plutôt à l'histoire autour de Bruce Wayne, en fait. Et puis, ce qui est devenu de Bruce Wayne, Oui, c'est pas mieux. Hein. Mais ça peut-être que ça n'a jamais été fait sur Batman, encore, je suis pas sûr. Mais c'est du déjà vu sur d'autres personnages. Enfin, oui, voilà, mais bon, je trouve que ça va. Enfin, voilà, c'est... Parce que... C'est trop gros. Bref. Tu vois, j'ai fait exprès de rien dire, de laisser un blanc, parce que j'étais sûr que t'allais le dire, ça. Il a dit quoi? Il a dit quoi? C'était trop gros. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Ah. Répugnant. Et voilà. Et donc, Irish, le vainqueur de Snow Award, quand même, parce qu'il y a un vrai prix en jeu. Voilà, pour faire plaisir à Clément, donc c'est le nouveau Batman. Le nouveau Batman qui arrive quand même dans les votes à battre Convergence. Moi, je pensais clairement que Convergence était invincible, donc dans n'importe quel Snow Award dans lequel il pouvait être nommé, il raflerait tout. Et ben non. Comme quoi, il y a quand même pas mal de personnes qui détestent vraiment ce nouveau Batman. Et il y en a pas mal, puisque c'est 58,59% des votes. contre du coup bah, 41,41 pour Convergence. Voilà. Et donc 100% pour DC. Voilà un petit noir de plus anecdotique que d'autres. Hein. On aura bientôt le noir de l'acteur ou film de série qui sait qu'il est acteur, car il l'a lu sur sa fiche de paie. C'est important. C'est important. C'est... Grosse lutte encore hein, entre Gotham et Fantastic Four avec une petite touche de Powers et de Ant-Man. Voilà. Mais avant ça, on va passer au meilleur artiste. Là voilà, on a quand même un prix important dans les comics que cette fois. Après avoir récompensé Jeff Lemire en tant que meilleur scénariste, on va maintenant voir qui est le ou la meilleur artiste de cette année. Et les nommés sont, alors là, accrochez-vous à vos slips. Fiona Staples pour Saga et Archie. Scotty Young pour I Hate Fairyland et merde, comment c'est le truc avec les babies dans Secret Wars? Voilà, on va l'appeler comme ça. Marvel Little Marvel AVX versus Super Style, je sais plus quoi. Bref, Scotty Young. Michael Red, notamment pour Art Ops et pour Silver Surfer. Dustin Nguyen pour Descender. Jason Fabok pour Batman Eternal. Non, il n'y a pas de Batman Eternal cette année. Donc Justin Fabok, c'est pour Justice. Alors celui qui déménage, j'aimerais bien qu'il... Comme deux secondes. C'est Léo. Non, c'est pas moi, mais c'est pas rien. C'est Aléris. Non, non. C'est chez toi qu'il y a le bruit pourtant. Chez moi Ouais. Tu dois frotter ton micro contre ton t-shirt, je pense. Oui, oui. On va jouer avec mon t-shirt. Hein. Mais Clément, tiens, vas-y, allez. Allons-y. Non, c'est pas possible. Voilà, donc. Nous n'avons pas l'image, hein, désolé. On veut pas. Bah, il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui seraient contentes, je sais pas. Plutôt des auditrices. Moi, je pense à tout le monde. Allez, et le dernier nommé pour le meilleur artiste, Andrea Sorrentino, pour plein de trucs. Il a fait du boulot, notamment chez Marvel cette année, X-Men, et puis Wolverine, Allman Logan, voilà. Le gagnant de l'année dernière est encore nommé cette année, parce que c'était Andrea Sorrentino. L'année dernière, pour Green Arrow, c'était Andrea Sorrentino qui avait gagné l'année dernière. Donc il n'est pas gagnant, hein, je ne vous ai pas dit ça, mais il est encore nommé cette année. Et le meilleur artiste pour 2015, et alors là je suis ô combien ravi, c'est Fiona Staples. Oui. Pour Saga et pour Archie. Donc la meilleure artiste cette année est Fiona Staples. Voilà, qui a donc dessiné la future scène culte de Clément dans Saga, qui a révolutionné l'univers d'Archie cette année, enfin voilà, qui a donné un coup de neuf sur Archie. Voilà, il y a le succès du scénario de Mark Waid si Archie a été élu meilleure nouveauté, mais il y a aussi les dessins de Fiona Staples, notamment ses couvertures. Enfin, voilà, mérité. Alors certes, certains diront qu'elle ne fait pas de fond, qu'elle ne fait pas ses décors, c'est souvent des aplats de couleurs, mais pour son inventivité et pour tout le reste de son style, enfin voilà, elle mérite largement au moins une fois de gagner quelque chose. Enfin, et puis elle est quand même Eisner Award, hein, me semble-t-il. Je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, mais je sais qu'il y en a eu au moins un. Donc. Et qui est arrivé deuxième et troisième? Dustin Nguyen. Ah ouais? Arrive deuxième pour Defender. Fiona Staples, 32,22%, et Dustin Nguyen, 25,56%. Troisième, Jason Fabok. Quatrième, Andrea Sorrentino. Elle est prix Eisner de cette année pour la meilleure série et meilleure avec Brian K. Vaughan et du meilleur dessinateur encreur pour Saga. Voilà. Bon, finalement, la logique est respectée voilà, avec les votes aussi de chez nous. Le triple prix Eisner d'ailleurs. Oui, je crois qu'elle a eu trois fois de suite, c'est ça. Fiona Staples, ouais, donc, meilleur artiste cette année. Et bien, c'est encore pour moi le prochain prix, et c'est le meilleur album en VF, mais album des gammes indé, donc Indies, chez Urban, et avec, ben, encore une fois, difficile, hein, difficile de faire son choix. Parmi les nommés, nous trouvons, tiens, dis donc, Saga. Saga tome 5 chez Urban Comics, évidemment. Sex Criminals tome 1 chez Glénat Comics. Prize, le tome 1 chez Urban Comics. Outcast tome 1 chez Delcourt. The Infinite Loop tome 1 chez Glénat Comics. Et Little Nemo Retour à Slumberland chez Urban. Voilà, donc six beaux albums. Infinite Loop. Alors, et en plus, on a du. Enfin, quand on regarde les prix précédents, on peut avoir une hésitation. Infinite Loop, meilleure mini-série en VO, donc est-ce qu'ils peuvent rafler le meilleur album? Saga, qui semble tout emporter sur son passage. Outcast, c'est Delcourt, c'est Robert Kirkman, voilà. Donc il y a vraiment possibilité, voilà. Si, Si vous deviez deviner, là, si vous deviez vous faire votre petit pronostic, parce que du coup, puisque c'est moi qui le présente, je suis le seul à connaître le résultat. Saga, ou... Ouais, pourquoi pas une petite percée de Infinity War. Qui créera la saga. Le meilleur album VF indé cette année est un album urban, tout d'abord. Ouais. Alors, pour commencer. Saga. Et puis, alors, je vais compter. Je crois que c'est le troisième prix pour la série ce soir, puisque c'est Saga, tome 5, encore. Chez Urban Comics. Troisième prix dans les quatre catégories où elle a été nommée quand même. Voilà, Saga, gros succès jusque-là en tout cas ce soir. Il y a que Brian Kevon qui vient pour le moment gâcher la fête entre guillemets. Saga 25,83% devant Outcast tome 1 22,22%. Outcast qui arrive en série télé prochainement. Et puis Infinity Loop est troisième. Voilà. Et puis il y en a un que je devrais vous, enfin si je devais vous en conseiller en dehors de Saga évidemment, Trees, le tome 1 chez Urban. Encore dispo à 10€ là pour quelques jours. Il y a 8 épisodes dedans, il est énorme cet album, taille agrandie, 8 épisodes, 10€, enfin voilà, vous risquez pas grand chose. Et c'est vraiment excellent, c'est du très bon Warren Ellis. Pour lequel, pardon? Trees, tome 1. D'accord. Une claque. Enfin moi c'est. On me l'a offert pour mon anniversaire donc. Je l'ai lu en VO, et je l'ai repris en VF. Voilà, c'est... J'ai pris une claque. Les personnages sont assez touchants et c'est une série qui a le mérite de, certes de s'attacher à son histoire mais surtout de développer ses personnages, leur psychologie, leurs relations et de nous présenter des personnages différents et super attachants. Donc moi je Trees c'est un de mes gros coups de cœur cette année. Mais c'est Saga qui gagne quand même. En fait, les awards dans les comics, c'est une compétition à la fin de laquelle Saga gagne, quoi. On va revenir au ciné, on va revenir aux écrans. On va revenir aux écrans avec toi, Irish. Pour le meilleur personnage masculin au cinéma, nous avons six nommés, Irish, qui sont... Ah, Irish est toujours... Suspense. Oui, je suis là. Ah, il est là. Je crois qu'il était toujours en train d'enlever ton t-shirt. Non. Oui, c'est déjà fait, ouais. Donc Taron Egzi qui joue Taron joué par Taron Egerton dans le film Kingsman qui a remporté l'award du meilleur film. Ouais. Harry Hart également dans Kingsman joué par Colin Firth. Scott Lang joué par Paul Rudd dans Ant-Man. Ultron dont la voix est celui qui fait la voix c'est James Spader dans Avengers Age of Ultron. Luis qui est joué par Oscar Peña dans Ant-Man. Et Steve Rogers, le captain, joué par Chris Evans pour Avengers Age of Ultron. D'ailleurs, Luis, c'est Michael Peña, hein, pas Oscar Peña. Oui, c'est Michael, mais j'avais fait une erreur au moment où j'avais écrit les deux. Moi, je dis c'est Harry Hart. Alors, on va faire le jeu des pronostics. Donc, Harry Hart pour Arnaud. Pour moi, je dirais Scott Lang. Clément. Moi, je dirais entre Harry Hart et Ultron. D'accord. Harry Hart, Colin Firth, quand même. Hein. Voilà, on avait souligné sa prestation dans Kingsman. Ouais, moi, j'ai pas vu le film, mais ça m'étonnerait pas que Colin Firth soit en tête. Je vois mal Paul Rudd. Pour vous donner une indication concernant les votes, c'est l'award le plus serré. Hein. 0,22% entre le gagnant et son dauphin. Vraiment sur, encore une fois, une voix d'écart. Et franchement, enfin, Irish, toi qui as le nom sous les yeux, franchement, est-ce que, on va pas le dire tout de suite, mais franchement, est-ce que tu aurais cru une seconde que ce personnage-là puisse en battre certains autres? Pour tout te dire, j'ai pas voté pour lui. Irish, le meilleur personnage masculin au cinéma est, et accrochez-vous. Et il a été cité par personne, c'est Egzi Taron Egerton pour son rôle dans Kingsman. Alors là, on tient la surprise de la soirée à mon sens. Moi, j'avais voté pour Ultron, pour James Spader, pour son interprétation d'Ultron. J'avais trouvé génial. Moi, j'avais voté pour Harry Hart, Egzi, et puis Steve Rogers. Ouais, moi, j'avais mis. Donc, c'est Egzi Taron Egerton qui remporte ce meilleur personnage masculin au cinéma. D'un souffle hein, devant Steve Rogers. Et puis Harry Hart arrive juste même pas 2 points derrière, à peine 1,5 derrière, donc voilà, ça s'est vraiment joué à pas grand chose là-dessus. Comme on aurait très bien pu gagner aussi ce prix. Enfin voilà, il y a vraiment quelques mois d'écart. Je trouve ça. Mais par exemple, si c'est pour l'interprétation dans Kingsman, je pense que Colin Firth était bien meilleur. Alors là, on ne parle pas du meilleur acteur, on parle du meilleur personnage. Hein. C'est vraiment peut-être l'intitulé aussi qui compte. Le personnage d'Exy a une vraie évolution, est vraiment intéressant dans le film, et c'est peut-être ça aussi. Il y a une vraie identification qui peut se faire par rapport à Exy, peut-être un peu plus, malgré ce qu'on peut penser de l'interprétation, que Harry Hart, c'est sûr. Voire même que Ultron, parce que Ultron reste c'est la voix de James Spader. C'est, de ce point de vue-là, ça peut se défendre que Exy. Ouais, c'est vrai, je pense que tu as raison par rapport à Mathieu, en fait, tu disais, on parle du meilleur personnage, pas de la meilleure interprétation. Voilà, donc du coup, ça. Voilà. Après, Taron Egerton est très bien dans son rôle, enfin. Bon, oui. Mais si on parlait du meilleur acteur, peut-être que Colin Firth aurait plus brillé, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est Exy, le meilleur personnage masculin au cinéma. Il nous reste 4 prix à remettre avant le Noward the Duck et Loward the Duck. Et on arrive sur un Noward. Un Noward attendu qui va peut-être faire la différence entre Gotham et Fantastic Four, qui sont pour le moment à égalité avec chacun 2 Noward. Et nous allons donc passer au Noward de l'acteur de film ou de série de télé qui sait qu'il est acteur car il l'a lu sur sa fiche de paye. Alors là, Arnaud, prends tout le plaisir que tu peux prendre en présentant ces 6 acteurs merveilleux. Vas-y. Alors tout d'abord, on en a parlé tout à l'heure de Bruce Wayne et il revient puisque David Mazouz est nommé pour son rôle de Bruce Wayne dans Gotham. Tu t'emballes, Ben McKenzie. Mais Ben McKenzie est aussi nommé pour son rôle de Gordon. Ça, je suis vraiment pas d'accord. On peut clasher sur beaucoup de personnages chez Gotham, mais Ben McKenzie, je suis pas d'accord. On verra si les gens sont d'accord. Ouais. Mais c'est pas fini pour Gotham, puisqu'on a eu le magnifique Jérôme, alias celui qu'on a cru pendant un temps être le Joker, joué par Cameron Monaghan. Qui revient dans l'actu, hein. On a dit que peut-être il pourrait quand même revenir. Ah oui. On n'est pas à l'abri. Tout est possible dans Gotham. Hein. Ah, tout est possible sauf les bons scénaristes. Ensuite, ça va, Powers. Hein. Ça va, ensuite, Powers, donc le héros Walker joué par Charlton Copley, qui était, ma foi, plutôt bon dans District 9, mais qui s'est écrasé dans Powers. Ensuite, Ant-Man qui revient toujours dans les Noward avec Corey Stoll dans le rôle du méchant dont on a déjà oublié Yellow Jacket. Et bien sûr, celui qui a déjà gagné, Doom, dans Fantastic Four, interprété par le magnifique Toby Kebbell qui devrait remporter un Oscar pour son rôle. Exactement. On l'avait oublié, Yellow Jacket. Hein. Enfin, certains l'avaient oublié avec son existence. Hein. C'est pas vrai, mal comme ça. Rappelez-vous de Corey Stoll. Oh mon Dieu. Ah là là. On a fait chier pour Corey Stoll, il était bon dans House of Cards et là il s'est complètement vautré. Alors on va faire un mini suspense pour en écarter 2, je vais les écarter moi-même. C'est Charlton Copley et Corey Stoll qui n'ont pas gagné, donc ça veut dire que c'est soit Gotham, soit Fantastic. Voilà, on va poser les choses, hein, et je vais te rassurer Léo en disant que Ben McKenzie ne récolte que 2% des voix. Ça va, il y aura un chouïa de bon sens parmi. Mais Arnaud, le Noward de l'acteur au film, de film ou de série qui sait qu'il est acteur car il l'a lu sur sa fiche de paye est. Tadadam, ce n'est pas Gotham, donc c'est Toby Kebbell pour. Gotham qui se fait distancer par Fantastic Four dans la course au Noward. 13e Noward pour Fantastic Four, donc le Noward du pire acteur pour Toby. Tellement mauvais que ça n'arrive même pas à être prévenu par lui. Quoi, Gotham, tu veux dire? Ouais, Gotham, même gagner un Noward, la série n'y arrive pas. La meilleure série, enfin, pire série quand même. Injustifié, messieurs dames, injustifié. Voilà, bon. Ben, Fantastic Four, quoi, Fantastic Four. J'ai été dit. Rafle pas mal de choses sur son passage pour le moment. Hein, c'est... Ils l'auront vraiment cherché, hein. C'est un jeu. La photo. Bah écoute, oui, il devait sortir de prison et on lui a mis un costard. Et... Ah, j'adore, ça correspond tellement avec Noward. Allez, on va passer au meilleur, au meilleur single, le meilleur single issue donc de l'année, meilleur numéro, épisode, quoi, appelez-le comme vous voulez. En VO donc, et c'est toi, Léo, qui va nous annoncer quels sont les 6 nommés. Les 6 nommés pour la catégorie meilleur single sont Infinite Loop, très apprécié, n'est-ce pas? Saga, alors c'est les numéros 30, je suppose? Oui, c'est ça. Infinite Loop, donc le numéro 1, Saga, le numéro 30, parce que Saga n'a pas encore gagné assez de prix, visiblement. Star Wars, hein, qui continue à être un peu nommé sans toujours, en tout cas pour l'instant, gagner quelque chose. Le numéro 1 donc de Star Wars. Le numéro 1 d'Archie. Le numéro 15 de Alex et Ada. Ouais. Le numéro Mastermind de Multiversity. Voilà, donc on a du lourd dans le lot. Alex plus Ada, numéro 15, dernier numéro qui m'avait fait à l'époque verser ma petite larme. Enfin, c'était incroyable. La série est incroyable. Et ça y est, Alléluia, ça va sortir en France et c'était le cours qu'a. Ah ouais? Qui a pris les droits, donc Alex plus Ada arrive en France en début 2016 pour le tome 1. Il devrait y avoir a priori 3 tomes. Archie a gagné, hein, la meilleure nouveauté cette année. Infinite Loop, meilleure mini-série. Saga, voilà, rafle pas mal de choses jusque-là. Multiversity, c'est un gros monument. Star Wars, on est dans la hype. Là, pour le coup, on... voilà. Et Léo, donc, le meilleur single de cette année est... Saga. Et donc, le meilleur single de cette année est pour changer, et puis parce que bon, il n'avait pas encore assez gagné, et pour un petit peu plus enfoncer Star Wars dans la catégorie Lucky Loser, c'est donc Saga qui l'emporte. Quatrième award ce soir pour Saga, meilleur single avec son 30e épisode, et 24,61% de vos votes, le deuxième. C'est Alex plus Ada, numéro 15. Et alors, je suis ravi, vous ne pouvez même pas savoir à quel point. 18,76% devant Multiversity Mastermind, 18,16%. Voilà, un beau podium et Saga, voilà. Il y a Saga et les autres. Ça. Ce soir, il y a Saga et les autres, comme souvent. Et comme si on regarde les Eisner aussi, hein, c'est un peu ça. Donc, on verra si l'année prochaine, les choses vont changer. Déçu pour Qui est quatrième voilà, de ce prix, mais bon. Enfin, comme c'est la meilleure mini-série. Meilleure mini-série, voilà, quand même, quoi. Et puis, on sait jamais, on sait jamais, Infinite Loop fait partie des 10 nommés pour le Ward the Duck. Oui. Ne l'oublions pas, voilà. Même si la concurrence est rude, voilà, ils sont quand même dans les 10, quoi. Il nous reste deux prix à donner, deux prix prestigieux, évidemment, pour la fin. Saga va-t-elle faire la passe de 5? Urban va-t-il remporter son, je sais même plus combien tième d'Howard, puisqu'ils en ont déjà remporté un paquet. On va parler de la meilleure série en librairie. Et Arnaud, les nommés sont Sex Criminals chez Glénat Comics, Lazarus chez Glénat Comics, pour changer, Saga chez Urban Comics, Deadly Class chez Urban, toujours The Walking Dead chez Delcourt, et sans doute la surprise, Grayson chez Urban. Ouais, on va pas parler de gagnant tout de suite, si tu veux bien, juste Panini est absent. Ouais, c'est vrai. C'est le grand absent dans ces nommés, mais après, voilà. Même en général. Hein. Oui, Panini était plutôt discret cette année. On était une petite dizaine hein, quand même à établir les listes de nommés. Et voilà, clairement, Panini n'est pas sorti, à part pour les rééditions. Et d'ailleurs, a gagné son prix hein, avec la réédition de Daredevil. Mais voilà, clairement, pour le reste, c'est le grand absent de cette année. Et quand, quand on va dans les votes autres, il n'y a pas de vote autre à destination de Panini quand il y a des votes autres. Voilà. Donc oui, peut-être que c'est révélateur. Effectivement. Arnaud, la meilleure série cette année en librairie est... Ah, déjà, ce n'est pas The Walking Dead. Déjà. Et c'est une série qui va succéder, je crois, à Green Arrow l'année dernière. Ah, donc une série de chez Urban. Ouais. C'est aussi une série de Urban. Bah, ça reste à la maison, j'ai envie de dire, pour Urban. Puisque c'est Saga, une nouvelle fois. Voilà. La passe de 5 pour Saga. Meilleure série en librairie, meilleur album indépendant, meilleur artiste pour Fiona Staples, meilleure série indépendante en VO pour Saga, et également meilleur single avec Saga numéro 30. Donc, 5 awards pour Saga cette année. Et 10 awards pour Urban Comics. Et les titres qu'il publie, ou les artistes qu'il publie. Alors on en est à 10 exactement, donc c'est une belle moisson aussi pour Urban, belle moisson aussi pour Image, qui en est à 7. Oh la vache. Voilà, donc c'est aussi ça qui profite à Urban, évidemment, hein. Faut pas... Ah oui, si je vais compter que sur DC... Ah ben, bah, c'était fichu. Ils n'en auraient eu aucun cette année. Et ils auraient juste eu des Nowards, parce qu'ils ont quand même eu des Nowards pour Convergence, qui n'est pas encore publié chez eux, mais qui arrive. Voilà. Il nous reste un prix à donner avant de passer au Noward the Duck et à Loward the Duck. C'est la meilleure série télé. Irish, les séries nommées sont... Les séries nommées sont The Flash, Daredevil, Agent of S.H.I.E.L.D., Jessica Jones, Agent Carter, iZombie et quoi ? The Walking Dead. On peut pas faire côtoyer Jessica Jones et Walking Dead, c'est pas possible. Ah bah écoute, tout est possible. Surtout qu'elle était nommée dans la pire. Surtout que The Walking Dead réussit la performance d'être nommée dans la meilleure série. Comment c'est possible ? Mais pour la pire. Ouais, bah parce que les personnes qui... Voilà, on était 10 à peu près... Oui, je crois qu'on était même 10 pile à faire les listes de nommés. Bah voilà, s'il y en a quelques-uns qui ont voté en tant que meilleure série et d'autres qui ont voté en tant que pire série, bah on se retrouve dans ce cas de figure-là. Et on dit, bah, c'est de faute. Si une deuxième personne, par exemple, a mis Gotham dans les meilleures séries, et bah peut-être qu'on aurait eu Gotham aussi. Enfin, voilà. Peut-être même qu'il aurait gagné. Alors là, on aurait eu un sacré truc. Meilleure et pire série en même temps. C'est drôle. Pour tout ça, pour tout le paradoxe que cette série soulève. C'est ça. On en parlera jeudi sur nos écrans du 31 décembre. Voilà, magnifique. Magnifique cadeau de fin d'année, on vous le rappelle. Voilà. Plein de belles séries. Hein. Plein de belles choses. Agent Carter, belle découverte. Évidemment, Jessica Jones, Daredevil aussi, belle découverte. The Flash qui poursuit. Agents of S.H.I.E.L.D. qui confirme début d'un épisode. iZombie, qui est pas mauvaise. The Walking Dead qui reste The Walking Dead. Ouais, Jessica Jones, qu'on adore ou qu'on déteste en fait. Jessica Jones, voilà. J'espère la passe de 3 pour Jessica Jones. Alors, est-ce que Jessica Jones fait la passe de 3 ? Irish, la meilleure série télé cette année. Donc, la meilleure série télé cette année, c'est bien évidemment Jessica Jones. Ah, évidemment, voilà. Jessica Jones. Bah oui. Jessica Jones. Mais c'est pas passé aussi largement que ce qu'on pourrait croire. Ah, j'espère bien. Ouais. Voilà, 28,70% pour Jessica Jones et 24,44% pour... Agent of S.H.I.E.L.D. Oui. Bravo, j'avais voté pour Agent of S.H.I.E.L.D. Parce que tu n'avais pas le deuxième sous les yeux, et bien joué. Ouais. C'est Agent of S.H.I.E.L.D. qui est deuxième, 4 points derrière Jessica Jones, voilà. Et puis en troisième, on retrouve avec 20,46%... The Walking Dead. Non. Ah non. Faut pas exagérer, Eric. Oui, The Flash. Ah bah écoute. The Flash qui relègue donc Daredevil à la 4. C'est quand même drôle parce que Daredevil. Peut-être que Daredevil a souffert dans les votes de la comparaison avec Jessica Jones. C'est peut-être que des gens qui ont voté pour Jessica Jones n'ont voté que pour elle et n'ont pas voté pour d'autres. Et du coup, Daredevil, quand on doit faire le choix entre les deux, effectivement, c'est Jessica Jones qui prend le vote. Oui, et puis Daredevil a été diffusé en avril, donc les gens aussi votent pour le plus récent sans doute. Sans doute, puisque Agent Carter est dernière. Voilà, c'était en janvier. Dernière et, si je ne m'abuse, pas encore diffusée en France en plus. Oui, en plus. Si, ça a été diffusé sur Canal. Ah d'accord, oui, donc pas vraiment encore, un grand Canal, ça reste avec le nombre d'abonnés. Voilà, on n'est pas sur Canal Plus Family. On n'est pas sur un accès. Un mois d'août. Voilà. Je suis un peu déçu pour Agent of S.H.I.E.L.D. quand même, parce que cette série, elle est juste... Ouais, géniale. Mais est-ce que Agent of S.H.I.E.L.D. méritait de passer devant Jessica Jones, franchement ? Non, je trouve qu'elle est plus... Elle est plus jouissive et plus, comment dire... C'est pas pareil. C'est clair, par exemple. D'un côté, on a plutôt du grand spectacle, Agent of S.H.I.E.L.D. et du plutôt tout public, et puis Jessica Jones, c'est quand même on a un côté plutôt indé dans le traitement, et voilà, c'est aussi ce qu'il y a. Diablement séduisant. C'est ça, David Tennant, n'est-ce pas ? David Tennant, ça en fait tout de même un beau vainqueur. Voilà, donc il nous reste deux prix à donner. les deux, voilà, le fin du fin, j'ai envie de dire. Quoi. Vraiment, là... Et en effet, donc, comme on vient de vous le dire sur Twitter, l'heure est grave, il est temps maintenant de savoir qui va remporter le Noward des Nowards, cette année le pire du pire du pire de tout ce qu'on pouvait trouver dans l'année, le Noward the Duck. Léo, tu as la difficile mission de nous annoncer les nommés. Et les nommés sont... Le spin-off le plus dégueulasse qui donner de commenter. Je veux bien sûr parler de Fear the Walking Dead, hein, parce que bon, faut vraiment l'avoir voulu celui-là, et c'est pire que Walking Dead. Enfin voilà. Alors, un autre qui réussit la prouesse d'être nommé à la fois meilleur artiste et Howard the Duck, Scott Snyder. Scott Snyder, ouais. Mais oui, ma foi, pourquoi pas. Évidemment, évidemment, parce que bon, de toute façon, cette année ne pouvait pas être une année sans Fantastic Four, parce que ils l'ont quand même bien cherché. Et le dernier, qui va peut-être se rattraper après sa défaite face au nouveau Batman, Convergence. Voilà. Donc là, on a... alors, Scott Snyder, c'est, ça prête à polémique, évidemment, hein, mais voilà, il a, lui aussi, il est aimé ou détesté. C'est ça. Mais voilà, en dehors de Scott Snyder, Fear the Walking Dead, peut-être avec une petite nuance par rapport aux deux autres, mais voilà, on a quand même vraiment le haut du panier, quoi. Oui, moi, je dis Fantastic Four, c'est quand même le pire. Fantastic Four est en veine, ce soir. Ah oui, oui. Hein, c'est quand même la pire chose qu'on ait vue cette année. Hein. Quand même, Gotham n'est pas nommé. Gotham n'est pas nommé pour le Noir the Duck, Léo, et c'est là ta plus grande victoire, peut-être, ce soir. Exactement. Quoi qu'il arrive, rien ne sera complètement perdu niveau conscience et honnêteté intellectuelle. C'est ça. Il y avait une possibilité de voter pour autre, hein, et de rajouter des propositions, et personne n'a rajouté Gotham. Voilà. Ah. Dans les votants. Et bah, parce que tout le monde s'est jeté sur Fantastic. D'ailleurs, personne n'a rien rajouté du tout, parce que voilà, les quatre suffisaient, visiblement. Léo, quel est donc le Howard the Duck de cette année? Bon, sans trop mouiller, je peux dire que Convergence a certainement été vite écarté des votes, parce que bon, il a quand même plusieurs poids lourds face à lui. Convergence finit deuxième. Ah, deuxième. Ah ouais. Ah ouais. Alors peut-être que plutôt Scott Snyder est peut-être Scott Snyder, oui. 11,58% et fini dernier. Voilà, donc ça se joue surtout entre un spin-off dégueulasse et un film vraiment dégueulasse. Et bon, sans trop de surprise, je crois que Fantastic Four remporté son duel à distance face à Gotham, puisque c'est Fantastic Four qui remporte le Howard ce prestigieux prix, le Howard the Duck. Voilà, Howard the Duck 2015, Fantastic Four. 4 Awards cette année sur 9 possibilités, parce qu'il était nommé 9 fois, mais plusieurs fois dans la même catégorie. Tout simplement, il faut savoir que Fantastic Four l'a emporté dans tous les Awards pour lesquels elle était nommée. C'est bon. Quel talent. Ce qui n'est pas le cas de Gotham, qui voilà. Finalement repart avec seulement 2 prix. On serait presque déçu. Oui, c'est décevant. Mais bon, il y a quand même des Barbara qui a gagné. C'est déjà une belle victoire. Voilà, Richard a été récompensé. Et puis, Pierre Céline. Donc voilà, Irish, t'as enlevé ton t-shirt, je pense qu'on t'enlève ta peau maintenant parce que. Putain, c'est bon, ça. On te laisse te dépecer tranquille. Et pendant ce temps, avant de décerner voilà, le dernier prix de la soirée, l'Howard the Duck, l'Howard des Howard, le coup de cœur des coups de cœur pour cette année 2015, jusque-là, on peut dire que le palmarès reflète quand même bien, en dehors de quelques surprises comme Exit, peut-être qu'on n'attendait pas là. Et voilà, on a quand même un palmarès qui est plutôt. Correct. Plutôt prestigieux. Nos lecteurs et auditeurs sont de bon goût quand même. C'est ça. Bon, même si Gotham n'a pas remporté. Même si Gotham ne méritait pas pour moi d'être la pire série cette année, voilà, on ne me l'enlève pas. Et voilà, Powers voilà, était. Personne n'a regardé pas, enfin très peu de gens ont regardé Powers comparé à Gotham. Powers et même The Strain, voilà, méritait largement plus. Mais bon, voilà, c'est le jeu des votes. Et effectivement, c'est une série Gotham qui a plus de public et qui a donc plus de possibilités de décevoir. C'est clair. Parce que la diffusion de Power, c'est voilà quoi. C'est pas des millions de téléspectateurs, quoi. C'est le PlayStation Network. Et puis même chez nous, c'est diffusé sur OCS. C'est-à-dire que les gens qui ont regardé Power sont payés pour le faire. Aussi bien aux États-Unis qu'en France. Voilà. Et alors, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté le premier épisode et qui ont acheté les autres, quoi. Bah oui, puisqu'ils font une saison 2, là. Hein. Oui. En plus, ouais. Alors saison 2 qui d'après le trailer va être meilleure, cela dit, c'est pire, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, je... Surtout qu'ils ont quand même noté dans le trailer par le co-créateur de Jessica Jones. Ouais. Sur le. Oui, c'est vrai, parce que du coup il a créé le comics Brian Bendis, donc du coup. Et voilà, ils s'occupent de la série. Ils sont quand même sentis. Voilà, de surfer sur Jessica Jones, c'est assez révélateur aussi, effectivement. Voilà. Allez, on va passer à l'Howard the Duck, quand même, le prix des prix. Donc quel a été là... le coup de cœur de cette année? Alors là, on a dit nommé. On a du très très très lourd. Voilà, vous aviez tous, hein, que ce soit dans l'équipe ou vous auditeurs lecteurs, vous aviez tous la possibilité de choisir jusqu'à 3 noms dans la liste. Très peu de personnes en ont choisi qu'un. Il y avait vraiment un coup de cœur. Hein. Ça a été dur aussi pour nous d'en choisir que 3 sur les... En plus, ils sont 10. Oh. Comment ces 10 ont été choisis? Ils ont été choisis tout simplement parmi les vainqueurs. Hein, évidemment, Saga qui rafle jusque-là, qui en est à 5 prix, forcément devait être là. Voilà, la série portée par Jeff Lemire qui a remporté un prix, voilà, devait être là aussi. Donc il y a de ça, et puis il y a aussi des choses qui, par le nombre de nominations, méritaient d'être présentes. Donc voilà, on arrive à cette liste. Les 10 nommés pour l'Award of the Ducks sont Matt Fraction et Chip Zdarsky pour Sex Criminals, Marvel et Netflix pour Daredevil et Jessica Jones, Brian Kevon et Fiona Staples pour Saga, Jeff Lemire et Dustin Nguyen pour Descender, Elsa Chartier et Pierrick Collinet pour The Infinite Loop, Image Comics pour l'ensemble de son œuvre, le film Kingsman, Kristen Ritter pour son interprétation de Jessica Jones, Vincent D'Onofrio pour son interprétation de Wilson Fisk, Rick Remender et Wes Craig pour Deadly Class. Alors là... Là, on a une... Level, quand même. Là, on a... Niveau pronostic. On a du très, très, très, très haut niveau. Et du coup, on va jouer un petit peu, on va les enlever un par un. Hein, parce que... Ouais. Il manque David Tennant, quand même. David Tennant n'est pas dedans. Voilà, David Tennant n'est pas dedans. Matt Fraction et Steve Darsky... David Tennant n'est pas de table. Non, évidemment. Matt Fraction et Steve Darsky n'ont pas remporté le World of Duck pour Sex Criminals. Ils finissent dernier des votes. C'est ça. En avant-dernière, c'est les gros oubliés, alors que pourtant c'est un gros succès chez Glénat en termes de vente. En avant-dernière place, on retrouve Rick Remender et Wes Craig pour The Deadly Class. Ah oui. Puis, dans un mouchoir de poche, les deux, Kristen Ritter et Vincent D'Onofrio pour leurs interprétations. Ah ouais? Jessica Jones et Wilson Fisk. Ouais. Voilà, Kristen Ritter arrive un tout petit peu devant Vincent D'Onofrio, mais voilà, c'est très peu. En cinquième place, on retrouve le film Kingsman. Oh! Cinquième, excusez-moi, c'est Kingsman est sixième. Cinquième, c'est Image Comics. Oh, et donc, on se retrouve avec le quatuor. Marvel et Netflix, il reste Marvel et Netflix, il nous reste Saga, il nous reste Descender et The Infinite Loop. Donc, on a quatre. Saga numéro un. Quatrième, qui n'arrive pas à monter sur le podium, et c'est une surprise. Marvel et Netflix pour Daredevil et Jessica Jones. C'est donc un comics qui va remporter le World of Duck. Ah, vache. Donc les franchises, ils sont en troisième, quoi. Ça veut dire que sur le podium, oui, ils sont encore là, Elsa Chartier et Pierrick Collier. C'est dingue. Ils sont encore là. Troisième du vote pour le World of Duck, 16,70% des voix. Jeff Lemire et Dustin Nguyen pour Descender. Ça veut dire que le World of Duck se joue entre Elsa Chartier et Pierrick Collier et Saga. Saga, 5 prix pour le moment, enfin voilà. Mais c'est dingue! C'est assez incroyable. Le War the Duck 2015. Elsa Chartier et Pierrick Collinet pour The Infinite Loop. Et c'est une énorme, énorme surprise, une super joie. Voilà, Infinite Loop et récompensé. Ça se joue alors en pourcentage. J'ai malheureusement pas eu le temps, hein, parce que les votes ont été arrêtés juste avant l'émission. On avait possibilité de voter jusqu'à 20h, donc j'ai pas pris le nombre de votes, je me suis arrêté au pourcentage. Brian Kevon et Fiona Staples pour Saga, 16,98%, et The Infinite Loop, 18,50%. Voilà. C'est dingue. Donc le coup de cœur des coups de cœur cette année, c'est Infinite Loop. Qui l'aurait cru? Honnêtement, je voyais pas Infinite Loop gagner face à Saga, face à Lemire. Voilà, et pourtant ils l'ont fait, quoi. C'est dingue, quoi. Donc c'est super cool parce que voilà, c'est un récit magnifique, donc voilà, ça méritait largement, et du coup voilà, voyant au fur et à mesure des votes que Infinite Loop allait gagner l'award de la meilleure série, j'ai aussi retardé volontairement la sortie du podcast. Donc vous aurez du coup dans la semaine le Comic Stories présente The Infinite Loop, parce qu'on ne peut plus maintenant, voilà, on ne peut plus attendre, parce que Award the Duck, quoi, bordel. Non mais c'est dingue. Est-ce que honnêtement vous auriez donné gagnant Moi, je Moi j'ai voté pour Saga, Descender et Infinite Loop parce que entre les trois, je suis incapable de choisir parce que Infinite Loop, c'est hyper touchant, c'est une histoire incroyablement belle et superbement mise en image. Descender, enfin Jeff Lemire, Dustin Nguyen, enfin ils sont au top. Saga, ça fait des années maintenant que ça a commencé et qu'on est embarqué dans cette saga incroyable avec des personnages pareil super attachants et on a encore une série très axée aussi sur la différence et sur l'acceptation des différences, etc. Il y a aussi cette thématique là qui est vachement présente dans Saga, et du coup c'est finalement la victoire de belles valeurs quoi ce soir. Ah ouais, non mais face à Saga, enfin c'est con quoi, mais c'est des Français. Donc, non, mais c'est vrai, des Français qui mettent la misère à des grands noms comme Bogan, comme Lesnil. Vous avez eu, je crois, de mémoire seulement 4 jours pour voter. Ouais, mais bon. Donc voilà, on n'est pas sur les 1500 votants, on est quand même sur plusieurs centaines de votes. Hein. On n'est pas sur sur 10 personnes voilà, qui ont voté pour partager un prix. Voilà, on est sur plusieurs centaines de votes. Hein. Il y a quand même une. Statistiquement, voilà, quelque chose d'assez valable. Et c'est donc c'est une belle surprise. Donc, si vous n'avez pas compris encore qu'il faut lire Saga et qu'il faut lire Infinite Loop avec cette soirée... Non, mais c'est génial. Pour c'est Infinite Loop, c'est génial, quoi. C'est certainement l'ami. Ouais, c'est bien pour finir l'année, une touche sur ce Infinite Loop. Mais c'est tellement mérité. Après l'année de merde qu'on a vécu. Non, mais c'est tellement... Enfin, je trouve ça bon. Bref, l'année 2015 s'est terminée en matière de comics sur un comic qui prône la tolérance. Franchement... Ça se finit comme ça chez nous. Je sais pas comment ça va se finir sur d'autres sites. Il y a d'autres sites qui font aussi des remises d'awards, des classements et des top 10 et machin. C'est la mode hein, en cette saison. Voilà, donc je ne sais pas où sera Infinite Loop sur les sites français en tout cas, puisque à l'international ils apparaissent quelques fois, mais bon, peut-être pas aussi souvent qu'ils le mériteraient. Mais voilà, en tout cas, pour les 1500 personnes quasiment qui ont voté pour les awards, voilà, meilleure mini-série, et puis pour les plusieurs centaines de votes des Awards the Duck de l'année. Ouais, c'est cool, hein, tout ça, c'est cool. Ouais, sinon, la catégorie des Awards the Duck était quand même super relevée, quoi. Ouais. Ah oui, non, mais c'était une catégorie de fou, enfin, voilà. C'est un truc de malade, quoi. Jamais, enfin, impossible de pronostiquer qui pouvait gagner. Enfin, c'était pas... Même avec Saga, il y avait tellement du lourd en face cette année que, c'est un effort. Donc voilà, écoutez, belle soirée de Warn ce soir en direct. Troisième live hein, pour nous, c'était la nouveauté de l'année aussi, hein, parce qu'on est en train de faire notre petit bilan de l'année. Hein. Les lives étaient une nouveauté, la finale des Infinite War, qui ont très bien marché, et on vous en remercie aussi. Le Comic Stories The Christmas Special la semaine dernière, et puis bon, ce soir, voilà, les Awards pour terminer cette année, alors, pas tout à fait, puisqu'on a encore Gotham qui arrive jeudi, le 31. Voilà. Et vous verrez qu'on en dit du bien quand même, on en dit du bien. Enfin, ce qui est assez dingue, c'est que j'en dis plutôt du bien sur quelques trucs et Léo en dit plutôt du mal sur quelques autres. Je suis quand même pragmatique et un peu objectif, enfin, faut pas non plus. C'est ça. Ouais. Et allez, on va conclure, on en est à 2h30 quasiment qu'on a commencé. Comme Star Wars. C'est ça, ouais, Star Wars, mais en même temps, Star Wars, c'était peut-être. J'ai écouté le podcast d'ailleurs, t'étais censé couper des trucs et non, tu ne l'as pas fait. Ah non, j'avais dit que je laisserais votre petit chant. Donc, si vous voulez écouter effectivement ce débrief de Star Wars The Force Awakens, c'est du Mozart. L'introduction de cette émission, c'est du Mozart. Ah, c'était génial. Hein. Voilà, les organes génial. De Clément et d'Irish à l'unisson sur un acapella magnifique. C'est incroyable. J'en ai des frissons, rien d'y penser. J'en ai pleuré dans la voiture. J'espère que tu as réussi à arriver à bon port quand même. Voilà, 2015 se termine pour nous en ce qui concerne les enregistrements ou les lives. On se retrouvera maintenant assez vite finalement, hein, puisque on reprend les enregistrements la semaine prochaine pour un premier mag de l'année 2016 qui aura lieu pour vous auditeurs qui sera diffusé le mardi 8 janvier. Je suis sur le mois de décembre. Le mardi c'est le 5 janvier. Donc on revient aux affaires, j'ai envie de dire, à moins qu'on se prenne une petite semaine de vacances, on verra. Merci à ceux qui nous ont suivis, qui ont retweeté, qui nous ont fait quelques commentaires sur les différents prix ce soir. Voilà, je Je jonglais entre la publication des tweets et plein de trucs, donc j'ai pas forcément eu le temps de mentionner les quelques commentaires qu'on a eus, mais voilà, merci à ceux qui nous ont suivis en direct et qui ont fait les commentaires. Merci aux presque 1500 personnes, bordel, qui ont voté. Incroyable, incroyable. On vous donne les gagnants du jeu de Noël, parce qu'évidemment, vous l'attendez, hein. On vous donne les gagnants des 3 box dès demain. Voilà, le temps de faire le tirage au sort, de se remettre un petit peu de nos émotions pour ce soir. Et voilà, dès demain, vous aurez le nom sur Twitter et Facebook des 3 personnes qui remportent les fameuses box de Noël, voilà, avec une cinquantaine de lots qui sont répartis dans ces 3 box mystères. Merci, messieurs. Merci pour votre présence et voilà pour cette bonne partie de rigolade, n'est-ce pas? Enfin, il y en a un qu'on remercie moins que les autres, mais bon, voilà. Je sais pas pourquoi je me sens visé. Ouais, bah, écoute, si tu te sens visé, on va dire c'est toi. Allez. Alors, peut-être c'est moi. Je ne sais pas. Bah non, t'as fait tomber le t-shirt, je pense que si on avait eu l'image. Péter les stats en public féminin, donc non, c'est bien. Vous voyez le corps de Brad Pitt? Et ben voilà. Voilà. Ben c'est pas ça. C'est pas ça. Ben non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est... Brad Pitt, il est pas black. Ah, c'est plutôt Bob l'éponge. Allez, bonne fin de soirée à tout le monde. Bonne fin d'année. Gavez-vous de tout ce que vous pouvez en tous ces repas bien gras. Un truc de gras là. Chocolat, champagne, foie gras, tout ce que voilà. Faites-vous plaisir. Bonne fin d'année. On se retrouve donc de l'autre côté en 2016 pour les prochains podcasts. Merci encore de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt. Salut, bonne année. C'est pas encore là, mais c'est pas grave. Ah, mais je pense qu'on ne verra plus nos précieux téléspectateurs. Allez, bye bye.